notre bien-aimée, la petite du côté de Viry-Châtillon, bonjour et bienvenue dans la France, dans la sainteté. Bonjour. Gabriela, bonjour. Bonjour à la petite Gabriela, bonjour du côté de Viry-Châtillon. Bonjour. Allez, c'est bon. Oui. La sœur Yolande Bibiche, bonjour et bienvenue ce dimanche matin. La sœur Bibiche, ton micro n'est pas bon, on t'entend pas bien. Bonjour. Ça va? Le frère Guy Richard, bonjour et bienvenue. Bonjour. Shalom. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oui, également. Amen. Le vous là, c'est pour moi seul ou bien c'est pour tous les frères? La sœur Hélène et sa sœur, bonjour et bienvenue. Et ma fille. Et sa fille. Vous êtes là comme les sœurs jumelles là. Bonjour la sœur Hélène et la fille de la sœur Hélène. Bonjour et bienvenue. Bonjour. De vous ressembler. Le frère Pierre Moha, bonjour et bienvenue. Toujours en poste. Bonjour frère Junior, bonjour à tous, shalom. Comment tu vas ce matin? Très bien, à la grâce de Dieu. La sœur Laetitia de Angola, bonjour et bienvenue. Bonjour, shalom tout le monde. Shalom. Natusha Chantal Chantou, bonjour et bienvenue. Bonjour frère Junior, bonjour tout le monde. Comment tu vas ce matin? Ça va aller, d'accord. La sœur oui. Anne Goba, bonjour. Et mon frère bien-aimé, bonjour et bienvenue. Vous allez bien, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. Le frère Mamadou Kamagati, bonjour et bienvenue. Le frère Mamadou, tu nous entends, ton micro est ouvert. On va de l'autre côté de Bordeaux, près de Bordeaux. Paul Gertrude, bonjour et bienvenue. Ton micro est fermé. On passe tout près de Bordeaux. La famille Landreau, bonjour et bienvenue. Bon, ton micro n'est pas ouvert non plus. Tu nous salues comme le drapeau français là-bas, la Marseillaise. La sœur Marie-France Sophie, bonjour. 97 rue Boulevard Davout, dans le 20e ou bien dans le 20e arrondissement. Bonjour et bienvenue. Ton micro n'est pas ouvert non plus. Le frère William, bonjour. Ça pleure et ça crie chez la sœur Gertrude. Bonjour, alors il ferme le micro. Bonjour, la sœur Gertrude, bonjour. Ça va? Oui, c'est mieux. La sœur Kelly Yankolo, bonjour et bienvenue. Shalom, bonjour, frère Junior. Mais apparemment, tout à l'heure, tu étais dans le véhicule. Tu es déjà arrivé à la maison? Oui, très bien. Que le Seigneur te bénisse. Le frère Mamadou, tu nous entends maintenant? Comment? Le frère Mamadou, ça va? Le frère Mamadou, rêve ton micro et reviens-nous. La sœur Diane Esther, bonjour et bienvenue. Toujours en poste. On te voit. La sœur Esther Diane, bonjour. Il faut que les micros soient fermés chez la sœur Anne Goba, ça crie là-bas. Fermez le micro de ce côté-là. La sœur Ophélie, bonjour et bienvenue. La sœur Ophélie, bonjour. Bonjour frère Junior, bonjour tout le monde. Tu nous as manqué, mais on ne te manque pas sur délice, les nuages des délices. La soeur, oui. La soeur Esther, tu es là? Tu nous entends? La soeur Esther n'a pas de retour. Sandra Casimir, bonjour et bienvenue. Bonjour mon frère, vous allez bien? Je vais toujours très bien, et toi-même? Allez, béni. Et toi, comment tu vas? Je vais bien par la grâce de Dieu. Voilà. Je vais bien. La sœur Linda Gango, bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Que le Seigneur te bénisse. Nafissa Lâché, bonjour et bienvenue avec toute la famille. Bonjour. Shalom, shalom tout le monde. Vous allez bien? Ça va, par la grâce de Dieu. Voilà, je crois qu'il est passé en revue tout le monde. Je ne sais pas, j'ai pas oublié quelqu'un. La soeur Esther Diapa. Dans la famille, il y a Anne Gobar. On vous entend, fermez tout juste le micro. Le frère Guy Richard est en poste, toujours prêt. Et de l'autre côté, la soeur Laetitia est prête également. La famille Ngabo, sa mari au travail. C'est ça, n'est-ce pas, la soeur? Voilà. Je crois que j'ai passé en revue. La soeur Marie-France, je ne sais pas si tu nous entends. Fais-nous signe si tu nous entends. Bonjour et bienvenue. On ne t'entend pas, il faut qu'on soit sûr que tout le monde nous écoute. La sœur Yolande, tu nous entends bien? Voilà, le temps que les gens respirent, que le micro soit fixé. Vous m'entendez, n'est-ce pas? Ok. Voilà, on respire un peu. Nous viendrons tous se prosterner devant toi pour reconnaître ta puissance, pour reconnaître ta majesté, pour reconnaître ta splendeur, mon Dieu. Sois béni à jamais parce que tu es grand. Donne-nous de contempler ta grandeur chaque jour. Tu es El Shaddai. Adonai est ton nom, Elohim, c'est toujours toi, le Dieu admirable, le Dieu qui pardonne, tu es le Dieu de compassion, tu es le puissant, tu es qui donc pourrait par hasard se comparer à toi, qui donc pourrait par hasard se comparer à toi, le Dieu sans pareil, tu es le Dieu de tout parfait, tu es guéri des guéris, tu es tout puissant, tu es et mon mouvement. Bonjour à toute la famille Gabo, bonjour les enfants, bonjour, bonjour, bonjour. Vous êtes... Bonjour du côté de Véry Châtillon, bonjour, bonjour. Bon, vous saluez les frères, ne répondent pas. Guy Richard regarde seulement comme ça. Ophélie regarde, personne ne salue les enfants. Les enfants sont gentils avec vous, personne ne salue, les salue. Bonjour. La soeur, elle est restement tranquille, elle dit qu'il faut que ce soit son jour aujourd'hui. Elle ne salue pas les enfants. Allez, allons maintenant, c'est bon. Le frère Mamadou, tu nous entends maintenant. Bonjour et bienvenue. Bon enseignement. Merci mon enfant, bon calme également à la maison. Bon calme à la maison. Voilà, le frère Mamadou, est-ce qu'il nous entend? Le frère Mamadou, la sœur Marie-France, vous nous entendez? Madame Landro, ton mari n'est pas là aujourd'hui, il est sorti. Elle bouge la tête comme ça, comme le lézard sur le soleil. Bon, maintenant. On ne t'entend pas, ma sœur, ton micro est fermé. Les statistiques ne peuvent pas tromper non plus aujourd'hui. Encore ici, on regarde qu'il y a 99% ce sont des femmes ici. 99% sont des femmes. Donc, ça veut dire que les frères sont allés chercher quoi. Le frère William, comment tu vas ce matin? Bonjour frère. Oui. Ça va. Pas d'exhortation pour nous aujourd'hui. C'est difficile frère, c'est difficile, c'est délicat. Le travail seulement, n'est-ce pas? Oui. Le frère Guilicha, pas d'exhortation. Non. Donc personne n'a l'exhortation. Le frère Pierre, tout naturellement, je t'en pose vraiment comme même question. Pas d'exhortation, pas de. Quelqu'un a-t-il une révélation, un songe à partager, une prophétie? Vous remarquez que je n'ai pas demandé un sujet de prière. Parce que sur le sujet de prière, chacun sortira. Silence radio du côté de la France. Ah, Junior. Oui, la sœur Laetitia. On ne te voit pas ce matin. Oui, j'ai beaucoup de problèmes d'internet depuis quelques semaines. Donc, j'essaye de mettre ma caméra, mais apparemment, c'est pas assez. C'est pas grave. Les médias ne sont pas assez puissants. Voilà. La sœur Laetitia, on ne t'entend pas du tout. Alors là, c'est Laetitia, tu nous entends? Très bien. Ok, vas-y alors. Oui, c'était juste une toute petite question, ce n'est pas une révélation. Non, c'est pas d'abord la phase de questions. Je vais vérifier très attentivement et suivre très attentivement ce que j'ai dit. Je n'ai pas parlé de questions. J'ai fait l'effort d'éviter cela. Donc, j'ai demandé, y a-t-il une exhortation, une révélation, un songe, une prophétie? Je n'ai pas parlé de sujet de prière ni de questions, ce n'est pas encore cela. Pas de questions encore. Quelqu'un a-t-il quelque chose? Dans toute la réunion comme ça là. Ben voilà, le frère Guilicha a quelque chose. Finalement. Bon, c'est bon. Comme c'est pas le temps de questions, en fait, c'est quelque chose. Donc toi également, tu avais des questions plus tôt. Non. Donc c'est la question aussi que tu as, frère Guilicha. Bon, je garde ça comme une question. Je pense que c'est une question aussi. Quand c'est pas très clair dans mon esprit. Oui. Le frère William, pas de sujet, rien à dire. Le frère Pierre a certainement quelque chose à dire. Tu as une prophétie pour l'église. Que le Seigneur nous aide dans cette question. Oui. Pour l'instant, c'est plutôt des questions. C'est ça. Après, maintenant. Niveau des songes, il y a des songes. Okay. Où on n'a pas toujours, où j'ai pas toujours eu des réponses claires. Okay. Après aussi, j'ai suivi les enseignements que tu as donné à Garoua avec beaucoup d'attention et ça m'a beaucoup interpellé. Et dans ces enseignements, il y a beaucoup de choses qui m'ont aussi remis en question. Je vois que j'ai pas encore fini, mais déjà il y a beaucoup de choses que j'ai appris là. Ouais. Que le Seigneur te bénisse. Sandra Casimir, y a-t-il quelque chose à dire pour l'église ou bien c'est privé? La foi est que Dieu vous bénisse. Ok, que Dieu bénisse l'église vraiment. L'église a vraiment besoin de bénédictions. Que Dieu vous bénisse. Le frère Mamadou, est-ce que le frère Mamadou nous entend? Bon, on commence donc par les questions. Comme il n'y a rien à dire, Dieu sais-tu. La sœur Laetitia, on commence par toi, la question. Tu as dit que c'était une petite question, une toute petite. Tu la poses vraiment petitement. Allons-y. Oui, en fait, je veux juste réagir à ce que tu as dit tout à l'heure, 99% des femmes. Et justement, j'avais toujours cette question à moi. On voit que les femmes sont toujours les plus ferventes dans la foi. Mais pourquoi on est également, comment dire ça? Les femmes étant les plus ferventes, mais on est également celles, comment dire ça? pourquoi donc être l'arme de Satan, en quelque sorte? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Peut-être tu peux réitérer parce la question que... autrement. C'est-à-dire, on voit que la femme est beaucoup les plus engagée. Voilà, quand j'écoute les enseignements et tout, la femme, c'est un élément dangereux. D'ailleurs, dans un enseignement, je ne pense pas que ce soit Garoua, tu parlais de la femme comme un moyen de destruction massive. Destruction, voilà. Bon, attends, avant qu'ils ne disent comme ça, toi, tu constates quoi? Moi, je constate que les femmes sont les plus ferventes dans la foi, généralement. Oui. Moi, je vois que souvent, c'est elles qui sont les plus ferventes dans la foi, même dans la Bible. Quand on prend l'exemple, enfin, un exemple que j'aime beaucoup, Abigail, elles ont souvent beaucoup de sagesse et elles sont, enfin, celles qui, bien sûr, hein, celles qui sont... Dans la seule étude, tu veux dire que c'est moi qui ai exagéré, que les femmes sont des agents de destruction massive. En fait, je veux dire, pas exagéré, mais je veux dire, autant la femme peut être un agent de destruction massive, mais l'homme également. La femme qui n'est pas chrétienne est un agent de destruction massive, ça je suis complètement d'accord. Mais l'homme également qui n'est pas chrétien est un agent de destruction massive pour toute personne. Ça me permet de poser une question avant d'avancer sur ton plan. As-tu déjà vu dans la Bible, on a parlé de l'homme vertueux? Non. Pourquoi on exige cela à la femme? Pourquoi on exige à la femme d'être vertueuse? Pourquoi on parle de la prostituée, on parle seulement de la femme? Pourtant, elle fait la prostitution avec l'homme. Pourquoi c'est elle qu'on dénonce, la Bible? Vous vous êtes posé la question? En fait, je me disais que je me suis posé la question, effectivement. Mais je m'étais dit, en fait, voilà, tout comme par exemple, par exemple, le mari d'Abigaël, c'était Nabal, c'est ça? Oui. On va dire, c'est un fou, un méchant, c'est-à-dire chacun a ses attributs, en fait. La femme, sa particularité, effectivement, c'est la prostitution. Là, je me base sur la parole. C'est la prostitution, d'après ce que je vois. Et l'homme, c'est, sa méchanceté excessive, enfin, criminelle, quoi, en quelque sorte. Quand on voit... quand je prends peut-être l'exemple de dans la Bible, on lit deux passages dans la Bible d'abord et puis je vous pose une question alors. Et je crois que les autres, vous avez vos questions à vous. Ouvrez Ecclésiaste, on lit là-bas. Et puis on va lire 1 Corinthiens chapitre 7. Ecclésiaste. Vous y êtes, tout le monde y est. Voilà. La seule Laetitia, tu y es encore? Oui, voilà. Ecclésiaste chapitre. Chapitre 7. Oui. Je veux que tu nous lises les versets 23 à 29. Doucement, tu lis vraiment doucement, d'accord? Attendons d'abord, la soeur Yolande n'a pas encore trouvé. Que le soeur Yolande puisse se retrouver rapidement. Pas le temps pour moi de dire bonjour et bienvenue à le seul Baganté de Paris. Bonjour, shalom à tous. Il s'est reconnu, bonjour, frère. Il s'est reconnu directement, shalom. Vous voyez? Il se mange le seul Baganté de Paris, il s'est reconnu directement. Voilà, le frère Yannick, bonjour et bienvenue alors. Nous sommes dans Ecclésiaste chapitre 7, les versets 23 à 29. Allons-y maintenant, la sœur Laetitia, lisons cela. Amen. Alors, j'ai éprouvé tout cela par la sagesse. J'ai dit, je serai sage, et la sagesse est restée loin de moi. Ce qui est loin, ce qui est profond, qui peut l'atteindre? Je me suis appliqué dans mon cœur à connaître, à sonder, et à chercher la sagesse et la raison des choses, et à connaître la folie de la méchanceté et la stupidité de la sottise. Et j'ai trouvé plus amère que la mort la femme dont le cœur est un piège et un filet, et dont les mains sont des liens. Celui qui est agréable à Dieu lui échappe, mais le pécheur est pris par elle. Voici ce que j'ai trouvé, dit l'Ecclésiaste, en examinant les choses une à une, pour saisir la raison. Voici ce que mon âme cherche encore et que je n'ai point trouvé. J'ai trouvé un homme entre mille, mais je n'ai pas trouvé une femme entre elles toutes. Voilà. Commentaire, c'est toi qui dois commenter ce que tu as lu. Qu'est-ce qui ressort de la recherche scientifique de l'amour mené par Salomon? Que les femmes dont le cœur... Les femmes dont le cœur est un piège et un filet sont plus amères que la mort. Non. Et c'est vrai, on dit que c'est seulement les femmes qui ont le cœur alors? Non, les hommes également ont le cœur. Nous voyons que les hommes ont le cœur, les femmes ont également le cœur. Mais on dit que ce sont les femmes, ces styles de femmes-ci, elles sont plus amères que la mort. Donc, ça veut dire que c'est, la mort aime mieux que ces styles de femmes. Vous voyez cela? La sœur Esther, bien sûr, tu nous entends, coupe ton micro. Coupe ton micro. Voilà. Et la deuxième chose, il dit que parmi les hommes, il a quand même trouvé un, mais parmi, les, parmi mille hommes, il a pu trouver un homme. Mais toutes les femmes, il n'en a pas trouvé. Qu'est-ce que tu en dis, ma sœur? Mais justement, par ce verset 28, là, ça me pose problème parce que quand il dit parmi les hommes, il a quand même trouvé un, mais parmi toutes les femmes, il n'en a pas trouvé. Pourtant, tu l'as même souligné tout à l'heure, on voit que les femmes sont plus ferventes, en fait. C'est ça que j'arrive pas, en fait. Ça veut dire que ce que nous constatons, nous, elles peuvent être ferventes, être au milieu, mais elles viennent au milieu pour déranger plutôt. Pas vrai? Parce que si c'est pour les femmes, Salomon en avait 700 et 300 concubines. Vous voyez, et il a fait 700. On se pose la question, pourquoi chercher tant de femmes? Il a dit le pourquoi il cherchait des femmes ici. Il en a cherché des femmes. En fait, il était allé chercher la femme selon Dieu. Et parmi les 1000 femmes, il a fini par quitter la terre sans trouver la véritable femme. Donc, en réalité, Salomon n'avait pas une femme propre selon Dieu. Et donc, il conclut donc que celui qui va trouver par derrière, c'est une grâce qu'il obtient de la part du Seigneur. Et donc, c'est une femme, c'est une grâce, un don de Dieu. Donc, ça veut dire que Salomon avait le don de la sagesse sans avoir le don de la femme. Donc, parmi les 1000 femmes, il n'en avait pas trouvé une seule femme. C'est terrible. Ça veut dire qu'il n'existe, il n'existera pas une femme selon Dieu complètement. Proverbe chapitre 21. Proverbe chapitre 21. Ceci devait se poser la question, en fait. Je crois que si vous le voulez bien, il faudra qu'on fasse, on prend un temps pour enseigner la femme selon Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend par femme, d'accord? Selon Dieu, pourquoi la Bible parle? Ou remarquez très attentivement en citant ces passages-là, la Bible ne dit pas qu'il y a le don pour le mari comme don, mais on parle plutôt de la femme. Ça pose vraiment problème. Ces langages de la Bible, vous devez comprendre ce qu'il en est. Vous devez comprendre vraiment ce qu'il en est. Pourquoi Dieu ne dit pas que celui qui trouve un mari a trouvé, c'est un don qu'il obtient de Dieu, mais on dit plutôt de la femme. Vous devez vous poser des questions. Alors, vous êtes dans Proverbe chapitre 21. Oui, je voudrais savoir si ce n'est pas lié à la sensibilité de la femme. On arrive. C'est-à-dire que on sensibilité arrive. Naturelle. On arrive à l'ordre maintenant. On arrive. Vous allez mettre ici là maintenant. Chapitre 21, verset 9. Qu'est-ce que ça dit le verset 9 du chapitre 31, chapitre 21 des Proverbes? Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Pardon, ma sœur. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Bon, entre les hommes et les femmes, est-ce que c'est seulement les femmes qui font des querelles? Non, mon frère. Mais pourquoi on ne dit pas mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager le toit d'un homme querelleux? On parle plutôt de la femme. Pourquoi dans la Bible, l'homme ne fait pas la prostitution, mais c'est la femme qui fait la prostitution? Pourquoi? 1 Corinthiens chapitre 7, lisons encore quelque chose. On va y revenir en profondeur. On voit vraiment qu'il y a un besoin de travail encore là-dedans. La femme selon Dieu. Vous êtes dans 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7. Donc chaque fois que vous allez vous miroiter dans la Bible, il faut vous poser des questions si vous êtes la femme selon Dieu. 1 Corinthiens chapitre 7, vous y êtes. Bon, maintenant, les versets 10 et 11. 1 Corinthiens chapitre 7, versets 10 et 11. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Oui. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie point sa femme. Voilà. Vous voyez que si vous lisez bien ces passages, vous allez remarquer qu'il y a encore un problème à cause des femmes. Qu'est-ce que vous constatez là? Je veux vraiment votre diligence. Je veux que vous constatez ce qui ne va pas dans ces passages-là, une fois de plus. Qu'est-ce que vous avez constaté en lisant? Que la femme ne doit pas quitter son mari, mais par contre, on demande au mari de ne pas répudier. Donc, c'est le mari qui a le pouvoir de chasser la femme. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose... C'est choquant. Si vous découvrez ce qui est là-bas, c'est choquant. Mais souvenez-vous comment l'apôtre Paul commence. Il dit que j'ordonne pour ceux qui sont mariés. J'ordonne non pas moi, mais sur le Seigneur. C'est choquant ce qui est écrit là-bas. Qu'est-ce que vous constatez? Ça, c'est la première des choses. Merci, ma soeur. La deuxième chose que vous constatez, c'est quoi, frère Guiricha? C'est qu'elle n'a pas le droit de se marier, en fait. Oui. Et c'est que le mari, lui, si les conditions bibliques sont réunies, lui, il a peut-être droit. Bon, je ne sais pas par rapport, il a peut-être. Mais on voit carrément qu'elle n'a même pas le droit de se remarier. Voilà. Donc, vous voyez, que Dieu te bénisse. Vous voyez, si vous lisez la Bible, vous vous laissez conduire par l'esprit. Vous voyez ce que la Bible en train de dire. Donc, la femme, si elle ne se sépare, elle ne doit pas se marier. Mais on n'a pas dit ça à l'homme. Donc, vous voyez que l'homme, son droit dépasse le droit de la femme. Et, si vous voulez, la seule chose à faire, c'est vous fâchez, vous déchirez la Bible, vous plongez ça dans le puits. Mais ça va dire la même chose quand même. Vous voyez, c'est Dieu qui dit. Et l'apôtre Paul dit, en haut là, il avait dit que c'est moi. Ici, il dit, non pas moi, mais le Seigneur. C'est le Seigneur, Dieu du ciel. Vous devez vous poser la question, pourquoi Dieu fait ces choses avec la femme? Pourquoi il est tellement Dieu avec la femme? La sœur Diane, vous savez comment la sœur Diane touche son visage? Exactement. La sœur Diane dit que si le jour que vous rencontrez Dieu, là, je vais lui dire quatre vérités. Que Dieu vous bénisse. Mais vous allez remarquer que l'amour que le Seigneur a manifesté pour vous, ça c'est le contraste qui est dans la Bible. Vous allez voir effectivement comment il finit, après avoir dit toutes ces choses dans le Proverbe chapitre 31, dans le livre du Proverbe chapitre 31, il dit que la femme, il dit que la grâce est quoi? Trompeuse. La beauté est comment? Vaine. Il dit que celle-là qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. Alors la question se pose. Dans Proverbe chapitre 14, verset 1, il dit quoi? La femme sage bâtit sa maison, mais l'insensé la détruit de ses propres mains. Femme sage, femme insensée, elle la détruit de ses propres mains. Au finish, on dit que celle qui craint l'Éternel, c'est elle qui sera louée. Alors, c'est quel style de crainte de Dieu que Dieu attend de la femme? Pourtant, ici, on voit effectivement que dans tous les milieux, que ce soit chez les marabouts, 99% ce sont les femmes. 80% ce sont les femmes. Ha! Alors, qu'est-ce qu'elle attend donc des femmes? Qu'est-ce que Dieu attend des femmes? Vous devez vous poser des sérieuses questions. C'est comme ça que le Proverbe est conclu. Vous voyez, après avoir présenté la femme vertueuse, elle dit qu'on ne se concentre pas sur la beauté. On ne se concentre pas, on ne dit pas que non, on est sous la grâce. Que ça s'est trompé, ça peut vous tromper, vous les femmes. Puis il dit que c'est celle qui craint l'Éternel. Alors la femme devra se poser la question vraiment, franchement, crains-je Dieu? Chapitre 6 des Proverbes. Il a encore failli parler, encore on va dire que le gars est encore revenu avec les femmes. Chapitre 6. Oui mon cher... la seule Laetitia... Tu as une phrase, tu n'as pas terminé. Pourquoi donc notre Père est-il plus dur avec nous, les femmes? Il est seulement constaté comme vous, comme ça. Mais il y a pourquoi dans la Bible. D'accord? Moi, j'ai quelque chose à dire, je ne sais pas si... Dis cela, mon frère. Dis, mais si on te prend en charge ici, ne dis pas que c'est moi qui t'ai demandé de dire ça. Amen. En fait, quand on lit ces versets, et moi, je pense en fait à Christ et l'Église. Oui. Je pense à Dieu et son peuple, en fait. Voilà. Par exemple, quand il dit, non pas moi le Seigneur, bon, il parle de la femme premièrement, il dit que la femme ne se sépare pas de son mari. Et ensuite, je laisse les parenthèses, oui. Et après au verset 11, il dit que le mari ne quitte point sa femme. Oui. Ça veut dire en fait, d'abord c'est la femme, pour l'Église, ce n'est pas à nous en fait de nous séparer. En fait, Dieu En fait, je veux dire par là, même si nous séparons de Dieu, nous on peut attendre Dieu, en fait, par son amour, il est toujours prêt à nous attendre quand on revient à lui et pour qu'il nous ramène, voilà. pour nous récupérer, en fait. Voilà. Je ne sais pas si... Oui, mais attends, le frère Guérichard, ah. tu avais des exhortations comme ça à donner plus matin, pourquoi tu cachais ça là-bas dans ta chambre? Donc, vous voyez que chaque fois quand vous voulez voir Christ et le mariage, l'homme et la femme, il faut voir ça dans la perspective de Christ et son épouse. Chaque fois, il faut regarder le modèle, c'est là-bas. Chaque fois, quand vous voulez regarder n'importe quoi, vous remarquez très attentivement que l'église ne peut pas régner Christ. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Sur ces fondements, femme, aimez vos maris comme, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et c'est lui-même livré pour elle. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme. Femmes, soyez soumises à vos maris comme, Christ, comme l'Église l'est à Christ. Donc là, maintenant, sur ce rapport, l'homme et la femme et Christ et l'Église, c'est en comparaison. Donc, le mariage, c'est une prophétie de l'épouse de Christ. Et donc, sur cette perspective-là, on voit des choses terribles. Et là, maintenant, les imperfections donc, que vous voyez dans la femme se trouvent dans l'Église. Donc, si vous voulez voir comment l'Église se comporte devant le Seigneur, regardez seulement la femme. Si vous voyez les femmes comme ils montent avec les seins dehors, les fesses dehors comme ça là, vérifiez, c'est comme ça que l'église est nue. La sœur Flora, ferme le micro avant que les enfants ne discutent les biscuits là maintenant. Alors, regardez Proverbe chapitre 6. Donc, souvenez-vous les femmes, posez toujours la question. Est-ce que vraiment je crains Dieu? Est-ce que je crains Dieu? Votre esprit a été constitué différemment par rapport à l'homme, par rapport à la sensibilité spirituelle. Les femmes sont plus sensibles. Il y a des hommes que tu parles là, ils disent que cours toujours. Ils te voient venir. Mais la femme se laisse aller. Et c'est comme ça, comme elle se laisse aller, elle est emportée par l'esprit impur et par l'esprit de Dieu. Or, maintenant, ça veut dire qu'il faut être là à la position que Dieu veut de la bonne façon. Vous voyez que les grandes assemblées où on trompe les gens, la majorité des personnes sont les femmes. Elle porte les mamies, elle n'a pas de vente pour aller donner au pasteur. Elle porte tes choses pour aller vendre, elle discute même, elle peut même se séparer même de son mari à cause du pasteur. Tu te poses la question, mais c'est comment? Toujours elle. C'est ça. Tout en très émotif aussi, frère. C'est ça que je parle, l'émotion. Vous voyez, remarquez très attentivement qu'elle n'a pas eu peur d'aller au cimetière pour aller voir le corps de Jésus. Les femmes sont les dangereuses. D'autres sont même courageux même pour aller enlever les dents même des morts pour pouvoir faire les chambres, pour pouvoir draguer les blancs. Proverbe chapitre 6, si vous y êtes. Lisons les versets 20 à 26. Je lis. Mon fils, garde les préceptes de ton père et que ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-le constamment sur ton cœur, attache-le à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche, ils te garderont sur ta couche, ils te parleront à ton réveil, car les préceptes est une lampe et l'enseignement une lumière. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Ils te préserveront de la femme corrompue, de la langue Lis seulement, ma soeur, il y a là-bas. D'accord. De la langue doucereuse de l'étrangère, ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté et ne te laisse pas séduire par ses paupières, car pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain. Vous entendez et ça? La femme m'a dans un piège à la vie précieuse. Amen. Si je passe le temps ici à parler de ces choses de les femmes ici dans la Bible, c'est pour eux que les femmes déposent la Bible pendant une semaine pour ne pas lire. Parce que le miroir qui est peint là, c'est terrible. La sœur Laetitia, une fois de plus la question, je te pose la question. Pourquoi on demande que vos lèvres, qu'on fasse attention, quand vous parlez même, on ne regarde pas vos lèvres. Et quand vous clignez les yeux, on ne regarde même pas ce que les poudres qu'on met sur les yeux là. Pourquoi? Parce que je pense que la femme a déjà effectivement cet attribut de séductrice en elle. Voilà. Maintenant, je pose la c'est question. Comme inné. Alors, voilà. Là, je vous pose une question. Là, tu touches vraiment le clou de la chose. Est-ce que Dieu a l'attribut de séduction en lui? Non. Pourquoi donc l'attribut de séduction? L'attribut de séduction vient de qui? Du diable séducteur. Parce que dès le départ, Dieu a mis une alliance entre le serpent et la femme. C'est voilà l'explication. Voilà la seule explication biblique. Il y a une alliance. Vous connaissez ça veut dire, ce qui veut dire alliance, n'est-ce pas? Ok, bon, maintenant on va voir cette alliance-là et en quoi consiste cette alliance. Et puis, bon, avant de quitter, puisque nous sommes dans le livre des Proverbes, allons au chapitre 30, lisez-moi le verset 20 du chapitre 30. Que Dieu vous bénisse les femmes, que Dieu vous bénisse les sœurs. C'est pour cela que si vous commencez à suivre Christ de la bonne façon et marcher dans la sanctification comme la Bible le dit, et quand vous regardez votre vie commence à être exemplaire par rapport à la parole de Dieu, vous devez glorifier le Seigneur Jésus-Christ pour cela. Parce que c'est un travail énorme dans la vie des femmes. Sinon, vous allez remarquer, votre vie est pourrie, mais vous voyez effectivement les gens, femmes chantent de gloire à son nom, gloire à son nom. Mais quand vous regardez dans la Bible, le miroir peint un autre tableau. Pas étonnant que mon grand frère a dit que si le juste se sauve avec peine, l'impie, que deviendra-t-il? C'est terrible. Alors donc, ça veut dire que vous, les femmes qui craignez Dieu, si vous commencez à voir que Dieu commence à vous montrer les saletés dans votre vie, pour vous indiquer qu'il faut changer, il faut changer, se rendez grâce à Dieu pour cela. Parce que c'est celle qui craint l'Éternel qui sera louée, dit la Bible. Chapitre 30 du Proverbe. Je veux que vous me lisiez encore le verset 20. C'est toujours la sœur Laetitia qui m'a balancé la question. Qui doit lire? Verset 20. Telle est la voix de la femme adultère. Elle mange et s'essuie la bouche, puis elle dit, je n'ai point fait de mal. Je veux que vous m'expliquiez ce que le proverbe en train de dire ici. Qu'est-ce qu'il a en train de dire? Toi-même. Toi-même. Qu'est-ce qu'il dit? Moi, de ce que je comprends, c'est que quand la femme adultère commet donc l'adultère, oui, elle mange, donc elle finit de commettre l'adultère et elle ne se juge pas. Elle, il y a une expression, essuie sa bouche. C'est, qu'est-ce qu'il en train de vous la dire? Elle fait comme si de rien n'était. Donc, ça veut dire qu'elle finit, fait sa toilette, elle continue la route, elle vient voir son mari. Elle quitte le père au marché, elle passe chez le voisin. Elle commet l'adultère, elle fait sa toilette, elle sort tranquillement. Elle n'a rien fait. Vous avez fait attention avec les femmes. Oh, pourtant, on parle ici. Et les hommes qui sont donc tellement adultères là. Comment? Et les hommes qui font la même chose, qui sont aussi tellement adultères. Tu vois, où est l'adultère qu'on accuse l'homme là-bas dans la Bible là-bas? Mais justement, parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas, peut-être que c'est le monde à l'envers. Bon, regarde. Ici, chez nous, en Afrique, où... La sœur Laetitia. Oui, mon frère. Ne te fâche pas, la Bible accuse la femme de l'adultère, pas de l'homme. Ne te fâche pas. Oui. La Bible accuse la femme de l'adultère, pas l'homme. Alors, la femme fait tomber dans le péché plus que toute autre chose. Frère Pierre, ne me regarde pas comme ça. Comment tu fais comme ça là? C'est la Bible. Non, ça rejoint le songe que je vais partager avec vous. Donc tout à l'heure, il demandait qu'il y ait un songe. Tu as dit non, tu as caché. Il faut que les choses qu'on vient vous apporter. Non, je n'ai pas caché, mais je t'ai dit que ça allait venir. Ah ben, dans ce cas, Dieu fait tout ce bon en son temps. Il a voulu que la sœur Laetitia pose sa question pour que ça suscite ton songe. Raconte-nous ton songe, donc on continue alors. Bon, en fait, le songe, ça date depuis 2007, dans le temps que j'ai vraiment commencé à avoir la crainte du Seigneur, mais sans vraiment le connaître. Parce que c'est lié à ce songe que je suis venu au Seigneur, en fait. Bon, à l'époque, j'étais dans le monde, donc j'étais catholique, je faisais mes affaires, je courais de gauche à droite. Et puis, étant seul, donc j'allais même souvent en boîte de nuit. Je faisais des trucs. Et un jour après, disons un samedi après le travail, bon, parce que je suis en train de couper, hein, parce que c'est lié à beaucoup de choses. Mais j'essaie de couper pour que ce ne soit pas trop long. Oui. Je vais en boîte de nuit. Donc je dis que ben, il faut que je rencontre quelqu'un avec qui je vais coupler. Voilà, que je vais coupler ou bien que je vais me, pourquoi pas vivre avec. Tu parlais chercher en boîte de nuit. Continue mon frère, donc c'était en 2017. C'était en 2007, je précise, c'était en 2007. Oui. Je connaissais pas le Seigneur, j'étais dans le monde. Ouais. Alors j'arrive en boîte et puis je danse, je m'amuse et tout ça. Je rentre le dimanche matin. À 5 heures, je me repose et là je fais ce songe. Le songe, c'était que... parce que le songe, ça n'a pas duré. Attends, frère, avant de nous dire que tu es allé rentrer, tu es allé, tu n'as pas trouvé celle avec qui tu devais t'accoupler. Comment tu dis que tu es allé? Non, je n'ai pas trouvé, j'ai fait plutôt des contacts. Oui. J'ai fait des connaissances. Tu as pris les gars de visite des femmes de nuit, des femmes de boîte de nuit. Voilà, dans la boîte de nuit, je suis amusé. Attends, frère, on arrange ton songe. Il y a l'autre qui avait sa carte de visite, danseuse, stripteaseuse, spécialiste de poteau. L'autre avec serveuse de nuit, de minuit à 12h, disponible à tout temps. Saint-Tige la guerre. Sandrine la poule. Et Gaël la beurre. Continue, mon frère, continue son songe. Oui. En fait, donc je rentre vers 4h, 5h, comme ça, par là. Je me couche et maintenant le songe commence. Je me retrouve, je me retrouve dans un village. Je ne sais pas si c'était un village ou c'était une ville. C'était dans un lieu, en fait. Et dans ce lieu, il y avait une petite pente, une descente. Et j'étais en train de descendre. Pendant que je descendais, sur le bord les bords de route, à gauche et à droite, il y avait des huttes. Il y avait des huttes qui étaient installées. Et ces huttes, devant ces huttes, il y avait des femmes. Elles n'étaient pas vieilles, mais elles étaient courbées avec des bâtons. Et il y avait des habits déchiquetés sur elles. Elles étaient très, très sales et très, très, très, très moches, un peu comme des monstres, en fait. Et de chaque côté de la route, il y avait des rigoles. Et dans la rigole, il y avait du sang qui coulait. Dans chaque rigole, il y avait du sang qui coulait et des femmes étaient devant chaque entrée de hutte, oui, avec du bâton courbé. Oui. Et moi, je descendais, étant, oui, habillé en blanc. Oui. Et je descendais la pente. Je descendais et du coup j'ai sursauté, je me suis réveillé. J'ai dit que mais ça, qu'est-ce que ça veut dire? Et du coup, à partir de là, je me suis dit que c'est un rêve comme tous les autres rêves. Oui. Je suis resté tranquille. J'ai voulu oublier, mais je n'ai pas oublié. Ça ne partait pas. Au bout de un mois, je ne suis pas sorti, je ne suis pas allé en boîte, je n'ai rien fait. Après un mois, je repars en boîte. Je rentre, je n'ai pas rencontré une personne, mais j'ai juste fait des contacts, j'ai pris des numéros de téléphone, des trucs comme ça. Je rentre, je refais la même chose, c'est-à-dire à la virgule près, la même chose. Oui. Même rêve, le même songe. Et du coup, il y a un esprit qui m'a... Je ne sais pas si c'est un esprit qui m'a parlé, mais c'est venu dans ma pensée que c'est Dieu qui me parle, que je dois faire attention. Et à partir de ce jour, je n'ai plus jamais mis pied en boîte. Oui. Et j'ai commencé à avoir peur des femmes. C'est-à-dire, c'est pas moi qui ai voulu. C'était naturel. Mais j'ai commencé. C'est devenu naturel. J'ai commencé à avoir peur des femmes. Bon, maintenant tu es marié, frère. Je ne suis pas encore marié. Donc tu fais la recherche, comme Salomon. Tu commences à les éviter. Et c'est vrai qu'au départ, j'ai beaucoup évité les femmes jusqu'à ce que je rencontre vraiment le Seigneur avant de commencer à faire confiance. Mais au départ, j'ai beaucoup, beaucoup évité les femmes. Pas que je les détestais, non. C'est que j'évitais parce que je me disais toujours que c'est par une femme que je peux avoir tous les problèmes, quoi, en fait. Du coup, comme je ne connaissais pas encore le Seigneur, j'ai dit, bon, autant mieux rester comme ça. Au départ, c'était très, très difficile parce qu'avant, je n'étais pas comme ça. Donc ça a été très très difficile parce qu'il y avait beaucoup d'attaques, il y avait beaucoup de désirs, en fait. Et que voyant ça, je savais que derrière ce songe, c'était la mort, en fait. Oui. Moi, c'est ce que je comprenais. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir ton songe dans la Bible, d'accord? Quelqu'un a eu ce songe là, dans la réalité, il a vu cette vision. On y va. Proverbe chapitre 7. Pardon? Proverbe chapitre 7. Nous allons d'abord lire Puis on va faire une respiration de pause de conscience. Pause de conscience. Ça, ce sera la pause de conscience. Ou mieux, la pause de prise de conscience. Et on va revenir derrière, relire encore ce premier chapitre 7. D'accord? Donc, c'est toi-même qui vas lire le verset 23 à 27. Prends à partir du verset 24 à 27. On va lire tout à l'heure, après la pause. D'accord. Allons-y, mon frère. Oui, Proverbe chapitre 7, 20, chapitre 7, 24 à 27. Oui. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme. Ne t'égare pas dans ses sentiers. Car elle a fait tomber beaucoup de victimes et ils sont nombreux tous ceux qu'elle a tués. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. Il descend vers les demeures de la mort. Amen. Amen. Donc c'est exactement les sangs que tu as vu là-bas. Ce sont les victimes de toutes les femmes là que tu as vu. C'est le sang que tu as vu couler comme ça là. Donc tous ceux qui vont voir ces femmes là, c'est pour la mort. Ça, c'est la nature que tu as vue de cette femme-là, ce sont c'est leur vraie nature, ce qui est à l'intérieur qui tue les hommes. Pourtant, quand tu bois en boîte de nuit, tu vois qu'ils sont bien habillés. Mais dans leur nature, elles font pour tomber les hommes, d'accord? Ne fermez pas ces proverbes chapitre 7 là, on va y revenir tout à l'heure là-dedans maintenant. D'accord, mon frère? Et puis, pour compléter ce que le proverbe est en train de dire. Oui. Il y a mon petit frère qui est parti au Gabon. Oui. En 2010, il est mort de mort subite chez une femme. C'est une femme? Oui. C'est très grave. Les femmes. Il est mort de mort subite chez une femme. Et ça a conforté ma pensée. Mm-hmm. A conforté ce que je ressentais en fait. Donc les femmes sont plus dangereuses que Coca-Cola Zéro. Donc après, bon, je ne sais pas si ça avait un lien. Mais je sais que il est mort de mort subite et il est parti au travail, il est revenu le lendemain matin, il est mort. Voilà. Les mondains diront qu'il est très bien mort. Je voulais ajouter quelque chose, c'est oui. possible. Oui. En fait, moi c'était en fin 2015, je me suis retrouvé même dans l'implicité en fait. Et là, c'est là que j'ai eu un songe. Et j'entends une voix qui me dit, si tu continues, tu vas mourir. Ça, c'est clair, j'ai bien entendu la voix, m'a dit clairement. Et j'ai jamais oublié ça. Courage. Donc les femmes, nos sœurs que nous aimons bien, qui sont nos mères, qui nous font accoucher et qui nous font de bonnes nourritures et au-delà, sont aussi dangereuses que le piment. Dans les yeux. Bon. Frère, il y a aussi la fois où le songe que le Seigneur m'avait montré, un animal qui était descendu. Tous les songes là sont maintenant. Alors que tout à l'heure, il demandait des songes, personne n'a donné. Et puis non, mais tu dis, c'est un songe que j'ai eu, ça fait longtemps. Donc, l'animal est descendu et il a pondu sur terre. Ces animaux, quand ils sont descendus, beaucoup ont pris la forme des femmes en fait. D'autres sont restés, les animaux sont entrés en brousse. Et beaucoup ont pris des formes de femmes. Des belles femmes. Et se sont mis à poursuivre. Oui, donc il y a beaucoup d'esprits aussi qui sont là, mais qui prennent la forme féminine parce que l'homme ne peut pas se douter il se camoufle plus avec l'image de la femme parce qu'on considère qu'elle est faible. Quand l'homme peut-être va avec une femme, il se dit, bon, même si c'est la bagarre, la femme ne peut rien lui faire, alors que c'est un démon qui est derrière, en fait. Le frère Pierre, donc, qu'est-ce que tu... Oui. Voit beaucoup de... Voilà. Le frère Pierre, tu voulais dire quelque chose concernant ce que la sœur lui dit. Oui, je disais qu'en fait, le démon prend... pas la sensibilité de la femme, à cause de... Je ne sais pas si on peut dire la faiblesse, disons, le sentiment que la femme a. Le démon accède plus facilement à, je ne sais pas, à la femme, c'est-à-dire que dans l'esprit de femme, pour séduire. Et il y a encore un pourquoi. On va voir tout cela dans les Écritures. À tout à l'heure, donc, maintenant. La femme sage façonne sa vie. dans la dignité, mais l'insensé se confond dans l'immoralité. C'est ça. Notre corps est le temple du Saint-Esprit et nous devons le garder propre. Madame Solange Mingo, qui est la mère des enfants. Comble de malheur. Le trésor, le diamant que Dieu nous a donné, le glorifier et pour mon plaisir. La nullité de ces mots de la malédiction. Adam et Ève, les premiers hommes, sont des bons. C'est pour cela l'Éternel a vengé les chasser. Le roi a pris des amis avec des fonds de bêtes. C'est d'amour, hein. C'est que la parole de la société se force. Déjà à la base, elle peut venir du feu. Mais que ferons-nous si la femme a perdu sa dignité? La société n'est que vouée à l'immoralité. C'est un sujet à droit. On les voit exposer le corps de l'homme sans se soucier des dégâts que cela cause à la société. Les viols, les obsessions, la destruction des mariages, donc là, elles aimeraient être aussi casées. Ah bon, tu veux te marier, hein? Ton corps au service de tout le monde. Aïe, aïe, le bon bébé, tu viens de te dire à le bébé. Mal de toi déjà vu, nous me disons à personne. C'est le jour à déjà vu, à qui le corps en chante. Alors que l'honorable François et Saint Bernard Dabi a déjà parlé fatigué, il a même tapé, il a même botté, il a fouetté vers son épouse. C'est grave, l'honorable. Une grave maladie sévit dans notre société. La maladie la plus difficile, hein? Ah ouais. Normalement, elle laisse les parties sensibles. table de son corps dehors, attirant ainsi les psychopathes, les obsédés sexuels, les sidères et même les snake men, c'est-à-dire comme serpentologue. Pourtant Dieu, en créant la femme, la Bible dit qu'il a pris la côte de l'homme. Fais quoi, tu es la côte de l'homme. Et Ève était très, très belle. Ah, qu'elles sont belles, les femmes. Mais alors, ma fille, ma soeur, quand tu vas à la sauvette toutes les parties sensibles de ton corps, accomplir la volonté de Dieu par le mariage. Comment penses-tu que l'homme de ta vie aimerait se retrouver devant une femme ou mille autres hommes peuvent ici? C'est un scandale. Le dos dehors, les seins dehors, les cuisses dehors, le nombril dehors. Ça, c'est les parties du corps que Dieu t'a donné pour séduire ton nom et pour bien le garder. Aïe, on va dire, le via ceci a fini tout le monde. Ah, c'est pas mal. Oh, le papa dit non. Si mal est d'amour, il ne te ferait d'ailleurs meilleur ma vie. Non. You mean that my day I see me my June and that you will come on. You mean that my come on, my June and that you will come on. Why? I don't want to know my best friend, but you have a son, it's a lot. It is a juice that you push, eh? On appelle ça c'est miroir. Ouais. Voilà, voilà, voilà. Rebonjour la France dans la sainteté. Bonjour, rebonjour et bienvenue. Bonjour. Il s'agit là de Ronce, l'artiste camerounais Ronce, avec le sous-titre Vias Vias, que vous pouvez retrouver également sur YouTube en tapant juste tout simplement Ronce Vias Vias. Vias Vias, V-I-A-S, V-I-A-S, tout simplement. Voilà, quel commentaire faites-vous à l'écoute de cette musique et de cette chanson avec ce que nous sommes en train de voir maintenant, Guy Richard et tous les autres frères? Qu'est-ce que vous suivez? Ça grésille, on ne t'entend pas bien. Qu'est-ce que vous, à l'issue de la musique, là, ce que nous avons suivi maintenant, qu'est-ce que vous pouvez dire, vous les autres, Yannick, tout, enfin vous tous, quel commentaire faites-vous avec la question de Laetitia, ce que nous avons vu dans les Saintes Écritures et ce qu'il dit là maintenant par rapport à la société? Moi, je peux dire qu'il a très bien résumé, en fait, même tout ce qu'on a déjà dit. Et surtout, le point qui m'a marqué, c'est à la fin, là où il parle de la femme qui veut au final accomplir la volonté du mariage, mais qui malheureusement est en dehors du plan de Dieu parce qu'elle ne fait pas ce que Dieu, enfin, elle ne fait pas ce que Dieu demande déjà, elle ne s'habille pas bien, tout ça. Au lieu d'être conduite par Dieu, elle est conduite par Satan. Donc elle se trouve elle-même dans le piège de Satan sans s'en rendre compte. Sans s'en rendre compte. Et là, je vous pose la question, pourquoi donc, comment peut-on dire des pasteurs qui disent aujourd'hui des femmes de s'habiller pour se mettre en valeur? Sinon, les maris ne vont pas les voir. Qu'est-ce que vous pouvez dire avec les Saintes Écritures? Vous, les femmes, particulièrement, cette question, si vous êtes posée. Le temps pour moi de dire bonjour et bienvenue à la sœur Ketsia Makumilka. Qu'est-ce que vous pouvez dire, les sœurs, là? Comment les sœurs sont silencieuses subitement comme ça? Les sœurs, vous avez un problème? Allô, les sœurs, les frères dans la sainteté. On n'a pas de problème, frère. Mais pourquoi vous ne parlez pas? Moi, je voudrais juste dire quelque chose. Oui, oui, la sœur Ketia, la sœur Sandra, ou bien? Non, bon, c'est la soeur qui était là. Bon, je voudrais déjà dire bonjour à tout le monde. Bienvenue. Est-ce que tu as suivi le sujet dont on a dû parler maintenant? Oui, oui, j'ai compris le sujet. Voilà. Je voudrais dire aussi bon, que par le passé, en fait, bon, juste pour rajouter, oui. Par le passé, quand j'ai vraiment commencé en fait, à suivre la parole, etc., j'ai voulu changer d'habit, moi. Et ça a interpellé en fait mes parents. Oui. Surtout mon père. Il ne comprenait pas comment ça se fait. Je mettais des longues robes ou des longues jupes. Et pour lui, je devais mettre des vêtements plus, je sais pas comment expliquer. Plus sexy. Plus explicites, quoi. Pour au contraire que les garçons soient attirés par ma femme. Voilà, quoi. C'était... Ça, c'est ton père qui fait comme ça. Oui, voilà. C'est ce qu'il m'a dit en fait. Il m'a dit que non. Que je devais pas mettre des longues robes ou des longues jupes pour cacher quelque chose. Au contraire, je devais justement m'habiller de façon à ce que, voilà, que les garçons me remarquent. Quoi. Ouais. Voilà. Et donc ton père te pousse comme ça dans le péché sans s'en rendre compte. Oui. Bah, moi, j'ai expliqué que voilà, moi, c'est pas ce que je voulais, au contraire, mais. Voilà. N'est-ce pas terrible, mes soeurs et frères? Non. Comment vous me regardez comme le jonc, le ventre de basculer du côté nord comme ça? Personne ne veut parler aujourd'hui. La France dans la sainteté, bonjour. Bonjour. Bonjour. On n'a pas à mettre tous ces artifices-là parce que nous sommes déjà les formes que le Seigneur nous a données. C'est déjà des formes tellement embellies que. Même en mettant les longues jupes, les longues robes, ça n'empêche pas, parce que j'ai une soeur ici qui s'habille comme ça, quand elle a changé, la dernière fois elle me dit, oui, mais les hommes continuent à me draguer. Je lui dis, mais toi tu crois, c'est pas parce que tu mets les longues jupes et les longues robes que les hommes ne vont pas te draguer. Oui. Tes formes sont déjà là. Oui. Donc, c'est juste que Satan a fait des vêtements pour amplifier, pour dessiner, pour montrer. Mais quand tu fais les longues jupes, les longues robes, tu es belle. Et pourvu que cette longue robe-là ne dissipe pas toujours la forme, parce que si vous portez les longues robes et les longues jupes, les stars le font lors des cérémonies à Cannes, là, vous les connaissez. Elles sont les longues robes, mais qu'elles sont explicites et ça dessine encore les formes pour pouvoir les présenter. Alors, je pose la question. Non, les formes-là. C'est pas comme ça. Les formes-là, les brésiliennes, n'est-ce pas? Vous voyez, effectivement, qu'on dit que quand vous voyez, même dans la musique mondaine, les gens disent que cette femme-là, c'est une bombe, n'est-ce pas, mes soeurs? Je veux que vous me dites honnêtement, si vous êtes une bombe, vous explosez, c'est pour faire quoi? Quand les bombes explosent, c'est pour faire quoi? Quand les gens disent que cette femme-là, elle a un regard revolver. Vous voyez les terminologies qu'on utilise? Les revolver, quand ça tire, c'est pour faire quoi, mes soeurs? L'autre dit que, clairement qu'elle a une démarche d'enfer. Ce genre de démarche là, c'est pour amener quelqu'un où? Genèse chapitre 3. Allons dans la Bible. Que Dieu vous bénisse ce matin. Je vais juste apporter une précision. Oui. C'est que, en fait, moi personnellement, je ne suis pas contre la femme. Hein. Oui. Donc, le frère esquive rapidement. Voilà. J'apprécie même beaucoup la femme et j'ai même essayé plusieurs fois de vouloir me marier. Oui. Mais le Seigneur n'a pas permis parce que. C'est quand je commençais à vraiment comprendre ce que le Seigneur voulait. Mm. Et quand il a permis que j'arrive à détecter ce qui se cache derrière, quoi, en fait. Mm-hmm. Là, j'ai commencé à m'engager. Mm. Donc, je n'ai rien contre les femmes. Au contraire, j'aime beaucoup les femmes. Mm. Si c'est enfin, pas encore arrivé, juste Marie-toi, invite tous les soeurs dans la sainteté, on vient à ton mariage. Bon, de toute façon, on attend. Ça viendra par la grâce de Dieu. Amen. Mais c'est ce matin, c'est puisque nous touchons un sujet, ne sait même pas où notre soeur Laetitia, elle a mis le feu, elle est partie, elle ne voit même plus si on est quelque part là. La soeur Laetitia, tu es là toujours? Elle est de quel côté ici, ma soeur Laetitia? Peut-être sa connexion l'a lâchée. Bon, regardez très attentivement, j'aurais souhaité que, honnêtement, vous les femmes qui êtes là, vous parlez à cœur ouvert. De votre expérience. Parce que quand vous étiez dans le monde, quand vous vous habillez, vous saviez le pourquoi. quand vous étiez devant le miroir, quand vous aviez, vous entrez dans le magasin, les choix de vos vêtements, ce que vous faisiez, vous savez explicitement, dans votre esprit, vous savez ce pourquoi vous portez, tel ou tel vêtement. Dites-nous cela pour que les autres soeurs, les autres femmes puissent comprendre. Quand vous prenez le talon, vous marchez. En marchant, vous regardez votre démarche, vous vérifiez effectivement que votre derrière fait les gestes que vous voulez pour laisser les gens pantois. Vous voyez, les hommes roulent avec la voiture, ils peuvent aller cogner à cause de votre démarche en route. Quand vous passez à côté des véhicules, dans les champs de miroirs, vous êtes toujours en train de regarder votre image pour voir si c'est appréciable. N'est-ce pas, mes soeurs, la France a la sainteté. Vérité, vérité. Voilà. Les saints honnêtes et sincères sont là ce matin. Oui, ma soeur Esther. Moi, j'ai un gros problème ce matin avec le sujet. Oui. Voilà. Parce que je trouve que... C'est un peu comme si on met, je sais que bon, dans la Bible, versets qui mettent la lumière sur la femme. Oui. Mais ensuite, pensez à tout, moi je prends mon exemple. Quand on grandit dans une société, on ne se rend pas compte que les valeurs qu'on nous inculque sont des mauvaises valeurs. C'est-à-dire, quand tu as acheté des vêtements, c'est parce que tu as grandi avec ce genre de vêtements qui est le genre de vêtements que tout le monde porte. Tu dois être comme. Tu n'as pas la mode, mais tu vas suivre un chemin oui. pour que te sentir bien. Oui. Accepté par les autres, quoi. C'est après, avec les écritures, les enseignements, qu'on se rend compte que ce sont des valeurs qui nous ont été inculquées, mais qui n'étaient pas des bonnes valeurs. Oui. Mais maintenant, ça vient quand même, moi je vois de l'éducation, de ce qu'on a vu, de la société dans laquelle on fonctionne. Les parents ou ceux qui nous donnent ces valeurs-là ne nous disent pas que c'est mauvais. Moi, ce qui me concerne, c'est récemment que j'ai compris que ah, écoute, faut t'habiller d'une certaine façon. Oui. Et j'ai eu beaucoup de mal à m'accepter dans cette nouvelle image. Oui. Pour moi, j'ai toujours grandi. Voilà, les cheveux doivent être d'une certaine façon, ton corps, même si tu t'habilles pas de manière osée, mais le pantalon ou des affaires assez cintrées, c'était pas mal. Oui. Bien étant dans le Seigneur. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quand même une part, les parents ou alors, voilà, les personnes disent oui, la femme, mais dès petit déjà, quand on n'est même pas encore femme, on nous a déjà inculqué que tu dois plaire. Exact. Quand on te prédispose à ce que tu dois plaire, tu dois être comme ça. Même pour ton mari, même dans le Seigneur, voilà, tu dois être disposé, tu dois t'habiller d'une certaine façon, Oui. Et c'est pas la grâce d'aujourd'hui. Moi, j'écoute dans une heure. Voilà. Qu'est-ce qu'ils feront faire, ma soeur? Qu'est-ce qu'ils feront faire? Mais c'est dès la base, frère Junior. Si tes parents ne te disent pas, si de la société dans laquelle tu vis, tu n'as pas cette grâce d'être mis à part ou d'avoir ces enseignements, comment tu sauras que c'est mal? C'est-à-dire que tu es une arme de destruction sans le savoir, en fait. Voilà. Maintenant, prenons un cas école ici. La soeur Kétia a parlé de son cas. C'est une jeune fille. Et là, maintenant, tu parles de la façon dont on nous a moulé, on nous a conditionné dès le bas âge. Voici une jeune fille qui a compris la marque de la sanctification. Elle désire marcher comme ça. Mais son pied d'achoppement numéro un, c'est son parent. Et qui, normalement, alors que normalement, ce sont ses parents qui devaient communiquer les valeurs de Dieu. Comme la Bible déclare dans Proverbes chapitre 1, que mon fils ne dédaigne pas l'enseignement de ta mère. Donc la mère est censée donner les enseignements. Dans Tite chapitre 2, verset 3, il dit que les femmes doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Et qu'elle doit donner de bonnes instructions aux enfants. On ne dit pas qu'elle doit donner des instructions. Elle doit donner de bonnes instructions aux jeunes filles de comment aimer le mari, à être retenue chaste, occupée au sein des ministères afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Donc vous voyez effectivement la responsabilité, comme tu en viens de le dire. Il faut inculquer ça. Maintenant, quand vous les filles, les femmes, vous étiez dans d'autres côtés avec cette mentalité-là, vous voyez que tout naturellement, vous inculquez cela à vos jeunes enfants. Quand votre fille naît, premier réflexe, vous faites pour percer les oreilles. Quand ses cheveux sont à un niveau donné, premier niveau, vous mettez les mèches. Vous mettez les mèches, même quand l'enfant ne veut pas, elle pleure, vous attachez sa tête. Elle dit qu'elle ne veut pas, elle n'a pas de volonté. Vous voyez effectivement que de la même façon que vous avez transmis les valeurs du monde à vos enfants, de la même façon maintenant, transmettez la valeur du Seigneur, la sanctification à vos jeunes enfants. Donc ça veut dire que c'est d'abord personnel, et puis il faut répercuter, c'est exactement comme le monde nous utilise. Vous les femmes, vous devez relayer cela. Donc, oui, mon frère Yannick. En fait, je voudrais apporter un petit, ma petite contribution, ma modeste contribution. Oui. Je remarque en fait que lorsque je lis la Bible par rapport à ce qui est dit depuis tout à l'heure et par rapport à ce qu'on a lu, bah, entre le, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il y a des parallèles sur le comportement de la femme. Oui. Je veux prendre par exemple dans le livre de 1 Timothée 2, oui. À partir du verset 9. Oui. Si je peux lire en fait. Lis, les femmes connaissent ça, ne t'inquiète pas, elles tapent derrière les pieds au sol comme ça, lève-toi. Mais je vous aime. Alors, 1 Timothée. Vas-y, elles disent qu'elles sont prêtes à prendre n'importe quel cours ce matin. Enfin, le but des pour nous, souvenez-vous que l'apôtre Paul dit dans 1 Timothée, dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 17, que lorsqu'on se rassemble, c'est pour être édifié. Donc, il faut qu'on entre, on reçoit avec quelque chose. Si on était sale, on devient encore plus âme. Mais je vais toucher un autre aspect après que tu aurais lu cela. Après, quand tu aurais lu cela, je vais parler de l'aspect un style de vie. Parce qu'il y a des femmes qui disent, et même des pasteurs, qui savent que si elles prêchent comme ça, comme on a vu que les femmes sont majoritaires, elles donnent largement dans les dîmes et les offrandes. Si elles disent ça, la majorité des clients vont partir. Donc, ils disent, non, quand vous venez à l'église, habillez-vous quand même bien. Donc, ils se disent que c'est à l'église qu'on doit bien s'habiller. Donc, à l'église, il ne faut pas faire tomber les gens dans le péché, mais dehors, faites tomber les gens dans le péché. Et par conséquent, vous voyez une femme dimanche qui s'habille, elle porte les habits bien, et effectivement, elle est bien habillée. Ha! Venez voir après le culte à la maison. Venez voir seulement le culte à... Mon frère, vas-y. Lis. En fait, je trouve que c'est un passage qui rassemble un petit peu ce qu'on essaie de dire tout à, depuis tout à l'heure. Dans 1 Timothée 2, à partir du verset 9. Mmh. Je lis au nom du Seigneur. Oui. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans, la, dans le silence. Car Adam a été formé le premier. Ève ensuite. Adam n'a pas été séduit. Mais la femme, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Voilà. En fait, moi, en fait, je pense que ce que je voulais dire depuis tout à l'heure, c'est que c'est, ça part... Je pense que ça part du péché originel, en fait. Voilà. Je pense que ça part du... Donc, ça veut dire le problème, c'est toujours à la Genèse, n'est-ce pas? Mmh. Maintenant, par rapport à toutes ces... Permettez-moi de vous dire que c'est Dieu lui-même qui a créé ces problèmes-ci. C'est lui-même qui a décidé de créer ces problèmes. D'accord? C'est lui. Et donc, il va résoudre cela. Souvenez-vous de ce que le Seigneur a dit dans la Bible. Il a dit que tous ses enfants vont venir à lui, tous ses brebis vont venir à lui. Mais les femmes, les, quand elles sont blanches, les blondes, vous remarquez qu'elles sont trop prisées. En Afrique, quand elles sont brunes, c'est encore les très très graves. Ce sont des cibles terribles pour Satan et comme arme de destruction massive. Sinon, pour cela, vous allez voir, effectivement, vous n'allez pas voir une femme brune qui essaie de prendre le savon pour mettre pour devenir noire. Mais vous allez voir que les femmes noires essaient de mettre le savon pour devenir brunes. Parce qu'elles disent, ou demain, pourquoi vous faites ça? Elles disent, non, les hommes aiment cela. Elles veulent servir cela aux hommes. Elles aiment les cuisses, ils aiment les cuisses jaunes. C'est quand même terrible. Mais je verrais que toutes les femmes, ils s'imaginent 50 ans après ce que ces cuisses-là vont devenir. Imaginez seulement à l'époque de la vieillesse, quel compte rendu on va donner de sa jeunesse. Qu'est-ce qu'on pourra transmettre à la génération future? Vous permettez que je parle, mes soeurs? Amen. La soeur, il y a la soeur, oui, frère, parle. On parle, n'est-ce pas? Amen. Ok. Amen. Maintenant, écoutez très attentivement. Prenez Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Gardez à l'esprit et notez le passage que le frère Yannick vient de donner là. Parce qu'il va y revenir et on va s'interroger là-dessus. Une fois de plus, vous remarquez très attentivement que le temps que vous trouvez Matthieu chapitre 5. Une fois de plus, vous remarquez très attentivement que la Bible parle là, après avoir dit au verset 8, parce qu'il a commencé au verset 9, au verset 8 dit, je veux que les hommes prient en tout lieu, en élevant les mains puissantes, sans colère ni mauvaise pensée. Puis au verset 9, il continue en disant, je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, Oui, on ne demande pas cela, on ne demande pas la descente de l'habillement à l'homme, mais à la femme. C'est quand même terrible. Et un pasteur se tient sur la chair, il prêche que Dieu ne regarde pas à l'extérieur. Et ici, voici dans les Saintes Écritures, le Nouveau Testament, parlant de la sainte doctrine. Il dit, je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, ne s'éparent ni de tresses, ni d'or, ni d'habits somptueuses, mais qu'elles s'éparent des bonnes œuvres comme font, comme les femmes qui font profession de servir Dieu. C'est terrible, c'est le Nouveau Testament. Maintenant, d'autres viennent dire que Jésus est venu changer l'identité de la femme. Que le Saint-Esprit habite dans le cœur. Que le Saint-Esprit ne change pas le sexe. Que la femme, il n'y a plus de l'égalité entre l'homme et la femme. Bon, Matthieu chapitre 5, le verset 27, 28 et 29. Matthieu chapitre 5. Souvenez-vous, avant la pause de conscience, j'ai dit qu'on va nous avons lu Proverbe chapitre 7, le verset 24 à 26. J'ai dit qu'on va y revenir plus en profondeur. Allons-y, qui va lire? Matthieu, j'ai lu le nom de Jésus. Oui. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous ai dit que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Stoppons là-bas. Stoppons. On a un problème ici. La première question que je dis, c'est qui parle ici? La sœur Esther dit, ferme ton micro avant que l'enfant demande le biberon. Ferme ton micro. Qui parle dans ce Matthieu chapitre 5? Ah, c'est Jésus, non? C'est Jésus, c'est le Seigneur Jésus qui parle, n'est-ce pas? Oui. Alors, si vous lisez, il en a cité comme ça le livre d'Exode chapitre 20 où il est écrit que tu ne commettras point d'adultère. Mais dans l'esprit de l'Ancien Testament, il était question, si vous lisez Deutéronome chapitre 22, le verset 22, la Bible déclare que si on trouve une femme couchée avec un homme marié, les tous deux vont être lapidés, et, afin qu'on note le mal du milieu de l'assemblée d'Israël. Et ici, dans la Bible, Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit que vous ne commettrez point d'adultère. Ça, c'était la loi. Dans la loi, il fallait qu'il y ait deux témoins, au moins, qui doivent être là pour témoigner qu'on t'a vu en flagrant délit d'adultère. Mais ici, Jésus est en train de dire que si une femme s'habille en sexy, et qu'elle tourne son derrière, et qu'un homme essaie de convoiter, à cet instant, elle a commis le péché. Vous êtes avec moi? Amen. Une fois de plus, regardez que ce n'est pas la femme qui regarde l'homme pour convoiter. On dit que c'est l'homme qui convoite, parce que le pouvoir de séduction se trouve en la femme. C'est elle qui pousse l'homme à la convoitise sexuelle. Et la Bible déclare qu'ici, si un homme regarde une femme, il dit, mais moi, je vous dis, c'est Jésus, souvenez-vous, c'est lui qui parle. C'est les gens qui disent qu'il est venu changer l'identité de la femme là. Il est venu amplifier aux femmes maintenant que le vias, la maladie vias doit quitter. Il dit, si quelqu'un regarde une femme pour la convoiter, maintenant, gardez le mot convoiter. Et puis vous entourez, regardez. Vous devez vous poser la question, qu'est-ce que l'homme regarde pour pouvoir convoiter? Parce que si convoite quelque chose là, illuminé. Et remarquez très attentivement que dans Proverbe, quand nous lisions cela dans Proverbe, il a dit que ne la convoite pas à cause de sa beauté et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Donc il y a des choses que l'homme doit regarder. Le frère Mamadou Kamalkate, viens fermer ton micro s'il te plaît. Merci. Donc vous remarquez, tout à l'heure nous avons lu à l'entrée là-bas, nous avons lu Proverbe chapitre 6, le verset 20 à 25. Et au verset 25, il a dit ne te laisse pas séduire par ses paupières. Donc vous effectivement que la femme, il y a des choses sur ses paupières. Et vous remarquez très attentivement que quand il y a l'obscurité quelque part, on met la lumière. C'est donc pour cela qu'elle porte les fards pour mettre au niveau des paupières. Pour que ça attire l'attention. Vous voyez une femme, elle est noire, elle porte ça, elle met le bleu. Ce n'est que les sorciers, ce n'est que ce qu'on peut dire. Parce que c'est les sorciers qui font ça. Pourquoi elle peut porter le bleu, elle met sur son corps qui est noir? Elle dit ce sont les fards. Les fards, c'est-à-dire que pour allumer. Jusqu'à d'autres même disent qu'ils portent ça pour allumer les hommes. Oui, Seigneur. Oui, qui m'appelle? Oui, vous faites Yannick. Là, je suis en train de lire et ça me choque en fait au niveau de... Quand il dit, on a commis un adultère avec elle dans son cœur. J'arrive, c'est pour ça qu'il arrive. J'arrive, je suis en train de développer là-bas. Qu'est-ce qui te choque même déjà? Le cœur. Voilà. Ça veut dire que, d'après ce que le Seigneur a dit, l'Ancien Testament a quitté maintenant dans la phase pratique et à la phase de consommation sans toucher. Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'on n'a plus besoin de coucher avec une femme physiquement pour commettre l'adultère. Souvenez-vous de ce qu'on a lu dans Proverbe chapitre 30 tout à l'heure, le verset 20. Il dit, telle est la voix de la femme adultère. Après avoir mangé, elle essuie la bouche, elle dit qu'elle n'a rien fait de mal. C'est ce qu'on a lu aujourd'hui, n'est-ce pas? Il ne parle pas de l'esprit, il parle du cœur plutôt. Non, il dit pas de l'esprit. Non, suivez attentivement. Donc, dans Proverbe, il était question d'une femme qui passe pour aller en route, elle couche avec des hommes et puis elle rentre et dit qu'elle n'a rien fait. Ici, Jésus amplifie en disant qu'elle passe, elle ne touche pas l'homme, mais elle commet toujours adultère. Remarquez très attentivement, elle commet adultère avec l'homme. L'homme a commis l'adultère. Ça veut dire que une femme s'habille sexy, elle quitte d'un lieu 1 à un lieu 2, elle couche avec 300 hommes, ça rend compte. Et un de ces jours, elle va se dresser devant le trône de Dieu, les hommes seront derrière elle pour la tenue dans la jupe, que c'est toi qui nous as amené dans l'adultère. Elle va dire, Seigneur, je n'ai jamais couché avec eux. Jésus a dit, va dire, ton habillement les a fait se masturber, les a fait bander, les a fait avoir des convoitises sexuelles, c'est à cause de toi. Regardez ce que Jésus dit. Parce que les hommes là ont commis adultère avec elle dans leur cœur. Dans Matthieu chapitre 15 et dans Marc chapitre 7 verset 1 à 22, le Seigneur dit que c'est de l'intérieur que viennent les convoitises, les vols, les mauvais désirs, l'adultère. Toutes ces choses là, la fraude, ça vient de l'intérieur, c'est ça qui souille l'homme. Donc une femme qui est mal habillée, qui est sexy, c'est un temple de souillure. Je peux continuer à parler, mes frères. Oui, mon frère Richard, tu voulais parler. Oui, je voulais juste en fait ajouter quelque chose. Ça me rappelle un enseignement que j'ai suivi de toi dernièrement. Oui. Et en fait, ça rappelle le péché de Achan. Oui. Quand là, je suis dans Josué 7, je lis directement à partir du verset 20. Et Achan répondit à Josué. Gardez cela pour que les gens. Permet que les gens comprennent là où ça se trouve. C'est dans le livre de Josué, au chapitre 7, on parle du péché d'Achan là-bas. Oui, continue, mon frère. Donc, Achan, chapitre 7, verset 20. Oui. Et Achan répondit à Jésus. Oui. Il dit, c'est vrai, j'ai péché contre l'Éternel et le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. Oui. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéa, oui, et 200 sicles d'argent, oui, et un ligot d'or du poids de 50 sicles. Oui. Je les ai convoités et pris, et voici ces choses sont cachées dans la terre au milieu de ma tente. Voilà. Et tu remarques que dans cet enseignement-là, j'ai demandé qu'on en tout vu, convoité et pris, oui, n'est-ce pas? Dans cet enseignement. Alors, on voit effectivement que quelqu'un qui est aveugle ne peut pas convoiter une femme brune. Jamais. Il ne pourra pas convoiter parce qu'il faut qu'il voie quelque chose. Donc, le Seigneur Jésus parle de l'habillement de la femme qui puisse conduire les gens dans l'adultère. Et curieusement, et comme nous parlions tout à l'heure, dans Proverbe chapitre 31, ça finit en disant que celle qui craint l'Éternel. Il faut que les femmes se posent de bonnes questions. Si on est en train de servir le Seigneur, vous entendez une femme qui dit que quand je porte ça, je ne vois pas de mal à cela. Si vous ne voyez pas le mal à cela, ce n'est pas à vous de voir le standard. Il faut poser la question, est-ce que ça plaît à Dieu? Si vous voulez plaire à Dieu, c'est la question qu'il faut poser. Et donc, si vous voulez poser la question, d'autres personnes disent, comme ce livre de 1 Samuel chapitre 16 nous dit, quand le Seigneur a envoyé l'apôtre, quoi, le prophète Samuel allait oindre Samuel, il a vu Eliab, Shama, et ainsi de suite. Il a dit, et Dieu a dit que l'homme regarde à ce qui frappe à l'œil, mais l'Éternel regarde au cœur. C'est ce verset qu'on prend pour venir mettre là-bas. Et donc, si Dieu observe même le cœur de la femme qui peut prendre le string, elle prend quelque chose qui est censé couvrir tout son corps. Elle va prendre la corde. Et la corde la dérange. Elle est sur la moto, ça la dérange. Elle est partout, ça la dérange. Mais elle porte. C'est pas la position que quoi. C'est pas la position, les sœurs. Frère. Oui. Mais parfois, elle est juste sur son visage. Quand l'homme regarde, même si elle est toute couverte, quand l'homme regarde juste son visage, elle n'est pas maquillée, mais elle est très belle. Il la convoite aussi. Ma sœur, regarde ce qu'il y a dans la main. Tu aimes ça? Tu as vu ce qu'il y a dans la main? Non, je vois pas ta main. Bon, est-ce que tu aimes ça alors? Tu aimes ça? Non, parce que je ne vois pas. Donc, quand il ne voit pas, il ne peut pas convoiter. Il faut qu'il voie quelque chose. Je dis le visage. Non, j'arrive. J'arrive. La Bible déclare. Oui, frère Pierre, j'arrive. La sœur Laetitia vraiment a le mieux le faire. Elle est partie aujourd'hui. Si vous lisez Genèse, chapitre 24, chapitre 26, vous allez voir, parlant de Léa, parlant de quoi, Rebecca, on dit que Rebecca était belle de figure et belle de taille. Remarquez bien ce que la Bible déclare. Donc, être belle, c'est autre chose. On a même dit même de ne pas se convoiter pour la beauté. D'accord? Mais les formes explicites pour expliciter le péché dans le cœur, c'est un problème. Frère Pierre, allons-y. J'arrive avec... Non, je voulais juste compléter ce qu'elle était en train de dire. En fait, une femme qui craint le Seigneur, qui s'habille normal, c'est-à-dire décemment, comme le Seigneur demande, n'empêche pas que peut-être qu'elle soit convoitée, en fait. Oui. Et dans ce cas-là, quand elle est convoitée, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle a poussé cette personne à commettre l'adultère? Non, bonne question. Ça, c'est une très excellente question. Maintenant, le problème là, c'est... Regardez comment on dit. je prends encore un autre syllogisme de ce même cas. Quelqu'un dit, si on ment, si on boit, on meurt. Si on ne boit pas, on meurt. Donc mieux on boit. Qu'est-ce que vous en dites? Parce que quelqu'un dit, il y a les voies pour sortir du monde. Donc lui, s'il boit l'alcool et puis il meurt, il n'y a pas de problème. Parce que de toute façon, il faut qu'on meure. Donc il a choisi sa voie pour mourir. Vous pensez que ça tiendra devant le Seigneur? Non. Alors, mais ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire quoi? Ok, de toutes les façons, la convoitise se trouve dans le cœur des hommes. Nous ne devons pas l'amplifier en tant que femme. Ça veut dire que si cet homme-là convoite, il ne faut pas que ce soit toi qui aies fait cela. Parce que vous n'allez pas dire que même s'il m'habille comme ça, ils vont toujours convoiter. Habille-toi quand même décemment, comme la Bible déclare que la femme, comme dans 1 Timothée chapitre 2 ou verset 9, il a lu, il a déjà dit que la femme soit comment? S'habille comment? Décemment. Donc si je dis que, ok, s'il m'habille décemment, ils vont toujours me convoiter. Il faut d'abord oublier la parole de Dieu qu'il faut s'habiller décemment. Vous me suivez, n'est-ce pas? Mais souvenez-vous de ceci, il faut que l'homme voit quelque chose, comme Akan a vu. Tant qu'Akan, souvenez-vous de ces proverbes de ces juges de Josué chapitre 7, tant qu'Akan n'avait pas vu l'or, il n'avait pas eu de convoitise sur son cœur. C'est quand il est entré dans cette maison-là qu'il a vu le manteau de Shinéar. Il a vu l'or, à cet instant, la convoitise est née dans son cœur. Tant qu'il n'avait pas vu, il n'avait pas de convoitise. Il faut qu'on voit quelque chose. Donc, ces choses-là qu'on voit, et la Bible a spécifié cela, fermons cela. Allons dans le livre de Deux Rois. Que Dieu vous bénisse. Deux Rois, chapitre 9. Deux Rois, chapitre 9. Vous y êtes? Le frère Guilichat, tu peux nous lire à partir du verset 29 jusqu'au verset 30 et même 31. Oh, je lis au nom du Seigneur. Or, Akaz avait commencé à régner sur Juda la 11e année de Joram, fils d'Akab. Puis Jéhu vint à Jizréel. Et Jézabel, l'ayant appris, farda ses yeux, orna sa tête et se mit à la fenêtre. Oui. Et bon, comme Jésus. Attends, c'est bon. Qui va encore lire? Le frère Pierre, tu as ça dans ta Bible. Lis-nous cela. Deux Rois, chapitre 9. Donc on lisait comme ça, tu ne t'aimes pas la page, mon frère. Je n'étais pas à la page. Chapitre 9, donc, verset 29 et 30. Je suis à la page maintenant. Ben, c'est Deux Rois, chapitre 9. Oui. Hein? Mm-hmm. Élisée, le prophète appela l'un des fils des prophètes. Verset 29. Prends, va au verset 29. C'est bon. Akazia. Oui. Était devenu roi de Juda la 11e année de Joram, fils de d'Achab. Oui. Jéhu entra dans Jézabel. Jézabel. Jézabel l'ayant appris. Jézabel l'ayant appris, mis au phare à ses yeux. Mis du phare à ses yeux, se para la tête. Et regarda par la fenêtre. On va s'arrêter là-bas avant de lire la chose, ce qui va lui arriver. Maintenant, je vous pose la question. Quel est le but? Vous remarquez très rarement avant que Jéhu, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, c'est l'histoire du roi Jéhu qui avait été oint par le prophète Élisée pour aller prononcer le jugement contre la maison d'Akab pour détruire. Et là, il se trouve de cette personnalité qu'on appelle Jézabel dans la Bible, qui entend que Jéhu est en train d'entrer. Elle est dans la maison de l'étage du roi. Elle entend que Jéhu arrive. Elle court pour mettre du feu à ses yeux. Elle passe sa tête. Je vous pose la question. Avant que Jéhu n'entre, avait-elle les yeux fardés? Non. Avait-elle la tête parée? Non. Alors la non. question c'est pourquoi quand elle a entendu que Jéhu est en train d'arriver, elle allait le faire? Pourquoi? Mes femmes, soyez sincères. Pour séduire. Donc à partir d'ici, vous voyez effectivement que vous l'admettez ou non, que vous le disiez ou pas, que vous l'admettez ou pas, que vous mettiez le phare dans vos yeux. Enfin, d'abord, le phare, vous entendez même le nom. Bon, quand vous mettez le phare là, donnez une explication biblique, le pourquoi on met. Il faut que chacun soit sincère, pas vrai? Oui. Bon, pourquoi est-ce qu'on le met? Pourquoi? C'est pour séduire, frère. Et nous remarquons même que dans la Bible, c'est la seule femme qu'on décrit ainsi. D'autres femmes, on n'a jamais parlé de femmes, ni de, C'est la seule femme dans la Bible qu'on décrit ainsi. Et la Bible déclare par la suite qu'elle regarda par la fenêtre. Quand, remarquez, souvenez-vous de Antoine de Force qu'on a lu dans Proverbes chapitre 6. Qu'on ne te laisse pas séduire par ses paupières. Donc elle a mis maintenant, Jésus était en bas de la fenêtre, quoi, en bas de quoi, au sol. Elle a regardé par la fenêtre pour montrer quoi? Alors, c'est vrai que les faces sont mises pour vous? Bon, est-ce que mes soeurs, est-ce que vous pouvez... La question que je me pose, c'est est-ce que une personne peut séduire inconsciemment? Bonne question, pose-le la question. Moi, il ne fait pas ça. Il ne met pas les phares. Pose-le la question directement. C'est-à-dire la personne, non, par exemple, elles ont compris, mon frère. Qui est mariée. Attends, elles ont compris. Attends d'abord, elles répondent. Les soeurs, on vous attend à l'antenne. Moi, je pense pas qu'on puisse séduire inconsciemment parce que déjà, séduire, c'est le vouloir en fait. Il faut vouloir séduire pour que la personne soit séduite. Enfin, oui. Moi, je pense que c'est comme ça. On peut pas séduire. Enfin, déjà, pour séduire quelqu'un, il faut une volonté de la part de la femme. Non, parlez par expérience maintenant. Parlez par expérience. Vous-même, quand vous partiez dans les boîtes de nuit, comment vous appelez ça, les zones où vous allez acheter les strings. Vous voyez les caleçons qui sont bien cousus. Là. Quand vous allez choisir les strings, vous choisissez ça pourquoi? C'est frère. Quand vous voyez, vous prenez un habit, attends frère, vous prenez un habit, vous mettez sur ça couvre le corps. Vous allez maintenant choisir pour votre petite soeur, vous mettez, ça saute, c'est là où vous prenez. Quand vous prenez ça et quand vous marchez en route, vous tirez en bas, vous voyez une femme qui marche, elle tire en bas, ça remonte, elle tire. Alors que c'est elle qui avait choisi, et le jour qu'elle choisissait, il y en avait plus long que ça. Quel est le but qui était derrière? C'est-à-dire la séduction. Quand elle porte cette chaussure de baphomée là, elle marche, elle fait d'abord un pas, elle tourne. Elle demande à l'un des que la démarche est bonne, en faisant les mains comme ça, comme pour Jennifer Lopez. Quand elle fait ça, c'est pour faire quoi? C'est du frère. Frère Pierre, elle est entre tes mains, je te les livre. Vas-y, parle. Oui. En fait, si j'ai posé cette question, c'est parce que parfois les femmes, quand elles vont se retrouver entre elles se mettent aussi comme si elles allaient vers dans un lieu où il y a des hommes. C'est-à-dire que pourtant, elles vont se retrouver. Entre elles se mettent dans leur 31 quoi en fait. Non, ça c'est la compétition de séduction. C'est pour ça que quand elles arrivent là-bas, l'autre va poser la question, c'est ma soeur, ton ongle, si tu as mis ça à combien? J'aime ton modèle là. Hein. Donc ce sont les camps d'entraînement d'évangélisation de séduction. Mais soeur, est-ce que je manque? Vraiment, mon frère. Non, tu mens pas. Non, c'est vrai. Voilà. Mon frère. En même temps, même frère. Ah, les femmes, les langues sont déliées maintenant. Laissez parler en ordre maintenant, parlez. Dites-nous. Mon frère. Oui. Oui. Bon, en fait, la question. La seule Laetitia, tu étais partie depuis, tu as jeté le feu, tu es partie. Parle maintenant. Non, j'avais des problèmes pour me reconnecter. Vas-y, parle maintenant. Le frère Pierre a demandé est-ce qu'on peut séduire inconsciemment. Moi, je voulais dire, même bien qu'étant couverte comme nous sommes là aujourd'hui, oui. Il y a des hommes encore anormaux, c'est-à-dire peut-être un homme marié, oui. Il va te courir après. On a résolu ce cas-là quand tu n'étais pas là. On a résolu cela, d'accord, ma soeur? Bon, pour toi, je veux dire que bien, on n'est pas dans un état, dans notre tête, on a reçu la vérité, on est habillé normalement, mais les hommes peuvent courir après comme ça, je ne sais pas. Bon, attends, ma soeur Laetitia et les autres, je vais encore amplifier ça. Supposons, dans les dénominations où vous alliez, il y a ce que vous appelez les défilés de motos chrétiens, il y a les pique-niques chrétiens. le frère Guilichet avait seulement mouru de rire. C'est vrai. Vous allez, on vous amène en pique-nique. Et que vous êtes en habillement sexy, écoutez très attentivement ceci. Non. Vous allez en bordure de mer, en plage, de temps de relaxation chrétien. Vous portez vos strings et autres, vous plongez dans l'eau. Le frère qui est à côté, qui est un guitariste, il ne voit pas. Est-ce qu'il ne voit pas? Quand vous rentrez par la suite, maintenant vous vous couvrez. Ce que vous couvrez, c'est ce qu'il a déjà vu. Donc l'image qu'il a déjà, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Comment il ne doit pas vous convoiter? Donc il faut qu'on arrête toutes ces choses, n'est-ce pas? Pour répondre en fait à la question de la soeur qui dit que voilà, même si elle s'habille bien, il y a toujours des personnes. Enfin, répondre avec la parole de Dieu. Dans 1 Jean 1, verset 7, c'est écrit que si nous marchons dans la lumière comme il est lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Oui. Donc en fait, nous on fait notre part. Et là, le reste, le Seigneur lui-même. Absolument. Voilà, absolument. Donc il faut se couvrir comme Dieu veut et que les autres, les psychopathes, les snakemen et les sépantologues, là, s'ils font n'est pour eux, Dieu va les traiter, n'est-ce pas, mes soeurs? Amen. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Il ne parlait pas de, il ne parlerait pas des péchés originaux aujourd'hui. Vous voyez que vous comprenez, vous le voulez ou pas, que vous n'aimez pas l'enseignement sur le péché originel, c'est l'adultère, c'est le sexe que le serpent a fait. Donc, c'est ça. Donc, le frère Yannick lève la main là-bas que quoi? Que il ne parle pas ou bien? En fait, c'est comme si tu avais lu dans mes pensées parce que j'allais poser cette question en fait. Oui. Je pense que, comme ta version est très contestée dans le monde, je partage la même version. J'ai toujours pensé que c'était ça. Va aussi parler quand tu contestes, alors va parler, ne cache pas derrière moi, parle aussi. Genèse chapitre 3. Donc, en fait, que vous le vouliez ou pas, c'est le sexe qui gouverne le péché du monde. Tout le péché tout autour d'Islam. Parce que sa ramification, ça tire sa source là-bas. Ça tire sa source là-bas. Vous allez remarquer très attentivement que l'homme travaille, même s'il fait n'importe quoi, en réalité, c'est la conclusion, c'est pour chercher une belle femme. Allons-y, je peux prouver, Genèse chapitre 3. Lisez le verset 14 à 16. Je lis. Lis, ma soeur. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit d'entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Voilà. Il dit à la femme, oui. J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Et les désirs et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Voilà. Merci ma soeur. Dès que le péché a été commis, voilà la règle qui a été mise. Et donc, Dieu, vous voyez effectivement au verset 14, Dieu donne la sanction du serpent. Puis il dit au serpent qu'il mettra inimitié entre lui et la femme. Donc, Dieu a mis une alliance entre la femme et Lucifer ici. Donc, là, c'est le titre, mais on entend. Elle est où là? Tu m'entends? Donc, souvenez-vous, mes femmes, vous entendez très attentivement. J'ai dit dans un enseignement que Satan vous aime et vous êtes ses alliés. Vous ne voyez pas, c'est Dieu qui a fait. Donc, il y a une collaboration, c'est l'approche collaborateur. Oui, oui. Je dirais que Dieu nous aime aussi, frère. Oui, il vous aime, justement, il vous aime. C'est pour cela qu'il a dit qu'il va. C'est pas la postérité de la femme toujours qui va briser le serpent. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Il dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Inimitié entre toi et la femme. Donc Satan va toujours créer le problème pour vous. Vous devez être dans l'antagonisme avec Satan. Donc ça veut dire que son objectif, comme Satan a utilisé la femme dès le départ pour faire chuter toute la création, c'est comme ça qu'il va toujours faire. Donc c'est son arme fatale, le dernier secret, ce que vous appelez le joker. La femme, donc, c'est le joker de Satan. Quand elles sont brunes, c'est dangereux, encore plus grave. Si vous êtes brune, demandez la miséricorde à Dieu qu'il vous couvre. Dans les lieux de service, vous allez voir. Oui, mon frère William. Frère William. Oui, oui, bonjour. Bonjour. Bon, et au vu de tout cela, oui. Pas, j'avais, il y a quand même, disons, un verset qui me revient. Je ne sais pas si ça peut porter un peu hors du débat, mais bon. Oui. Je le mets quand même sur la table. Oui. Dans 1 Corinthiens, chapitre 11, oui. Verset 7, il dit que. Mais la femme est la gloire de l'homme. Oui. D'accord. Oui. Bon, on le sait, n'est-ce pas? Et là, dans ce passage, on parle du fait de l'homme de se couvrir ou pas et oui. Tout le reste. Mm-hmm. Mais au-delà de ça, n'est-ce pas? Oui. Et beaucoup de femmes, je dirais chrétiennes, prennent ce verset particulier pour se mettre en valeur, voilà. Oui. Pour se mettre en valeur et justement, et même à travers cela, prenant comme prétexte de se mettre en valeur, vont excès d'eux-mêmes. Oui. Et justement, c'est bien de le rappeler, mon frère. Maintenant, si on regarde le verset de très près, il est écrit tout simplement que la femme est la gloire de l'homme. On n'a pas dit la femme sexy, oui. N'est-ce pas, frère? Oui. Voilà, ça devait régler le problème tout simplement. On a dit la femme. Donc la femme telle que Dieu a été créée, elle est la gloire de l'homme, pas la femme sexy. Oui, effectivement, une autre femme dit que j'ai fait ça pour être belle. Donc ça veut dire que dès le départ, elle n'est pas belle. Est-ce que dès le départ, elle n'est pas belle? Quand Dieu a dit, voilà, quand Dieu disait dans la Bible, et que quand Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était bon, et il y avait une amélioration, il y avait une peinture à mettre là-dessus pour être bien, pourquoi la femme doit peinturer ses yeux? Donc c'est le masque qu'elle met en réalité. Maintenant, vous les hommes également, vous voyez une femme, elle sort dans son porte-monnaie, vous, ces sacs-là, il y a le rouge à lèvres, il y a le fond de teint, il y a le petit miroir, il y a le pain, il y a le parfum, tout ceci. Vous demandez la Bible, il y a que sa Bible pèse beaucoup. Quand elle arrive quelque part, première chose, elle se dirige vers les toilettes. Elle met l'eau là, elle met le parfum, elle met le fond de teint. Le fond de teint, c'est pour cacher quoi? Les imperfections. Les imperfections. Qu'elle fait comme ça, 50 ans, elle attend. D'accord? On avance sûrement. Mais Sarah avait 90 ans. La Bible déclare qu'elle était plus belle que toutes les jeunes filles de la classe de Pharaon. N'est-ce pas? Au point où Pharaon est allé vers elle comme mère. Ça, c'est une belle fille. Elle avait 90 ans. C'est une grande mère aujourd'hui, pas vrai? Il faut le délivrer. Aujourd'hui, on mange les choses qui nous donnent les boutons, les taches. Ne mangez plus alors. Ne mangez plus. Ne mangez plus. Une femme junior. Oui, ma soeur. Et pourquoi alors si la femme, le Seigneur a mis une alliance entre la femme et le serpent, oui. Pourquoi il a utilisé la femme pour accoucher le Seigneur Jésus? Pourquoi il aurait fallu? C'est exactement. Avec Adam. Voilà. Non, c'est exactement, il veut corriger ce que la femme a fait. Donc il a pris la femme, c'est pour cela que vous voyez dans la Bible justement ces contrastes-là entre la femme vertueuse et la femme insensée. Donc ça dit que la femme insensée est le contraire de la femme le contraire de la femme vertueuse. Et par conséquent, il présente ici ce que Ève a fait comme faute, il prend Marie pour corriger cela. Je vous ai montré ça dans l'enseignement. Vous remarquez très attentivement que Ève et Adam étaient mariés, ils n'avaient pas encore connu de sexe, le serpent est venu coucher avec Ève. De la même façon, Marie et Joseph étaient en alliance, ils n'avaient pas encore couché, le Seigneur est venu, il a pris Marie enceinte pour corriger. Il est entré comme Satan est entré, à la différence qu'il n'a pas couché avec Marie. Donc il a fait entrer dans un couple vierge pour pouvoir faire mettre sa semence. Dieu a mis la postérité de la femme également de la même façon à l'intérieur pour pouvoir rectifier la chose qui a été faite. Donc de la même façon que le péché est entré dans le monde par la femme, de la même façon la justice est aussi entrée dans le monde par la femme pour corriger. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, continuez. Ça veut dire que Satan n'aime pas toutes les femmes. Il aime les femmes insensées. Comment? Ça veut donc dire que Satan n'aime pas toutes les femmes. Il aime les femmes insensées. Vraiment, hein? Oui. Vous voulez qu'il parle là? Frère, pour mieux comprendre pourquoi à Rebecca, on a mis un anneau à son nez et on lui a mis des bijoux en fait. Alors que, comme on dit, on ne doit pas mettre les bijoux. On a vu que quand on est parti voir Rebecca, on lui a mis toutes ces choses-là. Qui lui a mis? Le serviteur d'Abraham. Il est du peuple de l'Alliance Sainte. C'est un Israélien. C'est un type de l'alliance. Non. Donc c'est un peuple païen. On dit qu'Eliezer de Damas. À Damas, on fait ça. Donc c'est normal qu'il fait. Il pouvait faire quoi d'autre? Donc vous voyez effectivement comme pas tort des écritures, pouvait n'importe quoi. Regardons, continuons toujours comme ça avec le cas de Jacob. Jacob, d'où la postérité va sortir. Vous remarquez qu'il marche avec Dieu. Dieu le soutient. Dieu le délivre. Mais dans Genèse chapitre 35, la Bible déclare que Dieu se révèle à lui. Il dit monte à Bethel et là construis-y un hôtel. Pour le Dieu qui t'a délivré au jour de quand tu fuyais ton frère. La Bible déclare quand Dieu a montré cette vision, il est sorti. Qu'est-ce qu'il a fait? Jacob a dit à sa maison, ôtez les dieux étrangers qui sont du milieu de vous. Donc ça veut dire qu'il était là en plein avec les dieux étrangers avant que Dieu ne vienne se manifester. Mais ça n'a pas empêché que Dieu le sauve, Dieu le délivre, Dieu le guérit, Dieu lui donne des bénédictions. Mais dans sa famille, il y avait des dieux étrangers. Et la Bible déclare qu'ils ôtaient les anneaux d'or qui étaient à leur nez, à leurs oreilles. C'est pas ce qui est écrit? Si. Ils lui ont donné, il a enfui ça sur le terrain qui est à Sichem. Et là, ils sont montés maintenant. Donc, ça veut dire que ce n'est pas le fait que Dieu répond aux prières ou quoi que ce soit qu'il fait. Pour monter dans la sainteté avec Dieu, la rencontre, il faut la sanctification. Frère Junior. Oui. Frère Junior. Oui. Pour aller un peu plus loin, pour comprendre également, hein, oui. Il y a également, je suis en train de chercher le verset, je ne sais pas si c'est dans Ézéchiel, où on parle d'une Israël qui est pleine de bijoux. Oui. Ça m'a également. Ça, vous pouvez prendre cela dans Exode, dans Ézéchiel chapitre 16. Je vous avais donné cela de méditer là-dessus. C'est Ézéchiel chapitre 16, ma soeur, pour la gouverne. D'accord. Dieu décrit Jérusalem là-bas comme une femme qui doit être ornée, autre là, parée de bijoux, n'est-ce pas? Exactement. Alors, dans ce cas, le zéro de Jérusalem, c'est où? Personne ne parle plus ici. J'ai pas compris. Frère, les oreilles de Jérusalem, c'est où? Pourquoi il peut y mettre des bijoux? J'ai pas entendu. Vous m'avez suivi, n'est-ce pas? Oui. Il demande où sont les, le nez de Jérusalem, les oreilles de Jérusalem, pour qu'ils puissent mettre les bijoux là-dessus et les ondes d'or. Exode chapitre 32. Il n'y a pas d'oreille. Jérusalem n'a pas d'oreille, n'est-ce pas? Si, si, Jérusalem a des oreilles. Voilà. Sauf que le langage est différent. Voilà. Exode chapitre 32. Vous y êtes? Exode, c'est le dernier livre, le deuxième livre de la Bible. Quand vous allez lire maintenant, je vais poser la question encore aux femmes. Aux femmes. Il ne parle pas des hommes. Aux femmes. Alors, nous avons vraiment besoin de ceci. Je crois qu'il faut qu'on prenne du temps pour parler aux sœurs. Parce que vous voyez, quand on parle comme ça, puisque ça touche à nos égos, on a comme l'impression qu'on a un problème. Or, le but, c'est de parfaire dans ce parcours-là pour pouvoir toucher là où Dieu attend les femmes. Souvenez-vous de garder ceci à l'esprit. Proverbe 31, celle qui craint l'Éternel, c'est elle qui sera louée. Posez-vous la question. Et puis, Salomon dit qu'il a cherché parmi toutes les femmes, il n'en a pas trouvé une seule. Et il a donné la règle d'or. Celui qui trouve une femme a trouvé du bonheur. Vous devez vous poser cette question. Si j'avais été moi, en tant que femme sur la terre, est-ce que Salomon devait tomber sur moi et dire, ouf, c'est toi? Il devait dire cela? Si c'est non, posez-vous la question. Qu'est-ce que Salomon cherchait dans les femmes? Posez-vous cette question. Pourquoi il a fait les recherches jusqu'à prendre 1000 femmes? Et la Bible déclare qu'à l'époque de sa vieillesse, ces femmes-là l'ont détourné et ont fait des temps. C'est qu'il avait construit chaque Dieu, le temple de Dieu pour toutes ces femmes-là. Donc vous voyez effectivement, alors que quand il les prenait chaque fois, elles étaient très belles. Si c'est pour la beauté, elles en étaient. Puisque ce sont des filles des rois, donc ce sont des princesses. Et les princesses étaient traitées vraiment délicatement, comme vous pouvez voir dans le cas d'Esther. Donc il ne s'agit pas de la beauté dont il parle. C'est pour préparer la nourriture, il n'en avait pas besoin parce que les princesses ne préparent pas. Elles ont des banquets pour cela. Donc ne dites pas qu'il s'agit de préparer le ndolé, le mongo, que ce n'est pas ça. Qu'est-ce que Salomon cherche dans les femmes? Posez-vous la question et répondez. Seigneur, qui suis-je? Comment être une femme vertueuse telle que tu le dis? Vous pouvez vous couvrir comme ça, mais à l'intérieur, le cœur, c'est la méchanceté. Vous pouvez vous couvrir comme ça, on couvre comme ça, là, à l'intérieur. Vous regardez quelqu'un comme ça, on dit que non, il faut que. Pourquoi telle soeur a tel style de mari? Il faut que ce soit moi. Que la soeur là me meure, je prends même son mari. Dieu, donne-moi le mari de telle personne. Avec la face couverte. Donc, il faut la réforme à l'intérieur et à l'extérieur. J'ai dit quel livre déjà même? Exode 32. Exode 32. Lisons les quatre premiers versets. Allons-y. Que Dieu vous bénisse, mes soeurs. La France à la sainteté, bonjour. Amen. C'est la seule étude. C'est la seule. Il faut apprécier les frères à apprécier leurs femmes ou bien les sœurs qui sont habillées de manière vertueuse. Parce que les hommes font ça, mais eux ici sont tristes. Hein? Parce que nous, on aime plaît. Donc, si on nous apprécie dans cet état-là, ça va nous pousser à aller davantage aussi. Elles ont compris, le message est transmis. Donc, le message est transmis. C'est vrai, oh, vous les frères. Vous les frères. Vous les frères, encouragez vos femmes à être. Il ne faut pas qu'ils comprennent, qu'elles croient que peut-être quand ils s'allument comme ça. Parce qu'il y a des frères qui peuvent dire que, frère Junior exagère. Quand ils font ça, se couvre. Si je veux te voir sexy, c'est qu'il te faut la délivrance. Même lui là. D'accord? Pendant qu'on y, je pose la question, mais franchement, je veux que vous me dites. Quand une femme est à la maison, elle porte, quand elle travaille généralement, elle porte le gant, elle met là-dessus. Quand elle est sortie, elle met le pantalon, elle sert bien là. Elle part où au juste? Elle fait ça pour qui dehors? Elle part au marché. Hein? Exode chapitre 2. Exode chapitre 32. Vous voyez, une femme est sortie, elle va au miroir. Elle passe le temps. Même son mari est dans la voiture en bas. Elle est en tin, tin, tin. Elle est là. Attends, chérie, j'ai fait ma beauté. Ta beauté pour. Exode chapitre 32. Exode chapitre 32. Je lis dans le nom du Seigneur. Oui. Le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla au. Je crois que la connexion de notre sœur a bogué. Alors la sœur, j'ai tout hier. Bon, qui d'autre peut lire? Je crois que la sœur, j'ai tout. Ouais, Sandra, allons-y lire alors. Le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, Fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron lui leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont vos oreilles des femmes et vos fils de vos filles et apportez-les à moi. Et tous les autels et les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles. Et il apporta à Aaron. Voilà. C'est bon. Il le jeta au feu et il en sortit de veau. Maintenant, c'est bon, ma chère sœur. Je vous pose la question. Nous sommes au chapitre 32 d'Exode. Dieu a donné le commandement. Et au chapitre 19, il a dit à Moïse de descendre, leur dit, de sanctifier le peuple qui change de vêtements. Le troisième jour va apparaître. Et puis, il va apparaître sur la montagne qui était embrasée. Vous m'entendez? Oui. Voilà. Amen. La montagne était embrasée alors que cette voix latine, elle proclamait là-bas le tonnerre passé sur le montagne de Pisga là-bas, à Horeb. Quand il a fait toutes ces choses-là, il ne dit pas ce qui en s'est passé. Mais maintenant, ici, la Bible nous donne le renseignement que les fils et les filles avaient en même temps les anneaux à leur oreille, à leur nez. Est-ce que, mes chères sœurs, vous pouvez accepter que votre chérie s'habille en jean avec les oreilles percées, avec les boucles d'oreilles? La soeur Yolande, c'est parce qu'il y a des micros qui sont ouverts. La soeur Yolande, ferme ton micro, il y a un peu de bruit chez toi. Alors, la question que je pose, c'est est-ce que les hommes qui sont ici, enfin, les femmes qui sont ici, aimeraient justement que leurs enfants, les garçons, soient, aient les oreilles percées avec leur mari? Non. Mais si votre gars, si votre homme porte avec un bon jean là, avec les oreilles percées, c'est bon, non? Non. C'est pas bon. Non. Pourquoi alors? Sur quelle base vous allez refuser cela? Parce que là, voilà, ça dans la Bible, on dit que les fils avaient cela. Madame Gabo, en fait, imagine pendant qu'on a de parler comme ça, ton mari rentre là-bas et dit yo, la Saint-Julie. Tu vois un bouquet qui pend là. Ou bien moi-même, je suis en train de te parler de ces jours. Tu vois que le frère Julien a mis deux boucles là-bas, bien là, même les pointes, justement, comme vous avez même dit que non, je mets seulement la pointe. Alors, vous direz quoi, le frère Junior? Vous allez dire que c'est la première fois, c'est la dernière fois que me connais sur la France à la sainteté. N'est-ce pas? Frère, même sans être chrétien, même dans le monde, je n'aime pas ce style d'homme déjà. Pourquoi? Bah, parce que, enfin, je trouvais que c'était pour la femme. Peut-être parce qu'on est né dedans et on a vu que ça a été toujours pour c'est la là, femme. C'est là où Donc, du coup, les hommes qui pressent les oreilles étaient mal vus. C'est là où je voulais en venir. Sur quelle base la boucle d'oreille, c'est pour les femmes? Sur quelle base biblique? C'est pas écrit dans la Bible. Donc ça veut dire que si vous voulez prendre les choses en égalité, il faut que tout le monde porte les boucles. C'est-à-dire que vous allez au marché, vous achetez les boucles de ton père, pour ta mari, pour ton fils. Non frère, en fait, dans le monde, nous, comment on a été éduqué, c'est que même dès la naissance en fait, pour différencier que cet enfant, je ne sais pas, dès la naissance, on a même des infirmières qui, à deux jours de naissance de l'enfant, qui perce les oreilles des filles à la maternité. Ok, là je pose la question, là, ça me pose encore poser une autre question que vous devez me répondre selon la Bible. Quand vous allez voir les médecins, vous faites l'échographie. Ce sont ces oreilles que le médecin regarde pour dire quel est le sexe de son sexe. Non, pas du tout. Donc le médecin met ça comme ça sur l'écran, il regarde, il cherche ses oreilles, il dit oh, cherchons son oreille. Quand il voit l'oreille, il dit non, ça c'est une fille, c'est ça? Non. Alors donc depuis le ventre, on connaît le sexe de l'enfant, oui ou non? Oui. Est-ce que c'est son oreille qui distingue son sexe? Non. Il faut la délivrance à toutes les familles, pas vrai? Amen. Ah, c'est grave, hein, Thomas. C'est plus que ça, même. Bon, maintenant, que disons-nous maintenant, si vous accouchez maintenant d'une fille, vous allez faire comment? On ne va pas percer les oreilles. Et si vous avez un mari qui ne croit pas, il dit que je dois percer les oreilles, il faut que je lui achète une belle boucle. Vous dites quoi? On va intercéder pour lui. On va demander d'attendre, frère. Il faut attendre. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez effectivement que vous frère, les jeunes hommes. Attendez, permettez-moi de transmettre le message. Vous, les jeunes hommes. Mais là, non. Vous, ma soeur Julie, je reviens à toi. Vous, les jeunes hommes qui êtes ici, qui n'êtes pas encore mariés, mesurez bien la personne que vous allez marier. Il faut que vous demandiez au Seigneur de nettoyer les standards, tous les films pornographiques que vous avez vus, les formes que vous avez vues là sont dans vos têtes. Sinon, vous allez chercher les femmes qui ont déjà des formes là sans vous en rendre compte. Vous allez chercher les sœurs, vous n'allez pas voir parce que les sœurs sont couvertes. À moins que vous allez croire maintenant, allez prendre une Égyptienne pour dire que le Saint-Esprit va le conduire. Vous avez suivi ce que le pasteur à Garoala a fait en disant que non, il attendait à ce que le Saint-Esprit le conduise. Vous avez vu ce qu'il a, là où ça l'a entraîné. Donc, vous devez regarder vos standards, regarder la valeur de la femme que vous voulez épouser. Et vous, les jeunes hommes, que les jeunes filles qui sont là, vous qui n'êtes pas encore mariés, priez Dieu de vous mettre sur quelqu'un qui aime vraiment le Seigneur, pour que vous n'ayez pas de problème. Parce que les expériences des autres doivent vous servir de cadre pour pouvoir le faire. Il faut que vous compreniez, vous étudiez des expériences de vos soeurs. Il y a des soeurs parmi nous ici qui ont épousé, d'autres ont épousé des non-chrétiens. Vous voyez ce que vous en souffrez. Si vous voulez entrer dans la même souffrance en n'ayant pas pris cela comme un cas d'école, vous aurez des problèmes. Donc, frère Pierre, il faut dire, Seigneur, merci pour ce que je ne suis pas encore marié avec les bombes. Il faut le dire. D'accord? Amen. Et vous, le jeune soeur qui n'est pas encore marié, dites, Seigneur, mets sur mon chemin un de tes serviteurs qui va te craindre et qui va me pousser toujours dans la voie de la sanctification. Parce qu'il va aller te dire, allons voir le film à Saint-Denis, ils vont nous dire effectivement qu'allons expérimenter ce qu'on a vu. D'accord, la soeur Sandra? D'accord, mon frère. Vérifiez donc les motivations dans du cœur. Vérifiez. Si vous voulez plaire à Dieu, que ce soit l'homme ou la femme, vérifiez d'abord les motivations qui sont dans le cœur si on veut vivre selon Dieu. Si ce n'est pas encore défini, ne vous aventurez pas quelque part. Vérifiez vraiment. Vérifiez avant de vous aventurer. Parce que ça aura des prix et des conséquences plus tard. Il y a des femmes qui sont mariées maintenant que si c'était à recommencer, elles ne feraient pas. Si elles avaient ces conseils, elles ne seraient pas engagées dans ces relations. Il y a des femmes donc, vous m'entendez, n'est-ce pas? Il y a des soeurs qui voient un homme comme ça et disent, j'aimerais avoir cet homme, j'aimerais avoir ces six dons. Entrez, vous allez voir, goûtez. Des questions? Frère, nous qui sommes ici en Europe, par exemple, avec le foie, parce que c'est un débat que j'aime beaucoup écouter, oui. Même chez les femmes. Il y a certaines femmes qui se plaignent qu'elles ne peuvent pas s'habiller comme ça aussi par rapport au climat, que c'est bien beau de dire ça en étant en Afrique parce que le climat est favorable stop, à ce style d'habillement. Stop d'abord là-bas. Mais en... Attends, stop. Quand l'apôtre Paul écrivait là, il écrivait ça en Afrique. C'est ça. L'apôtre Paul était un Africain. Ou bien c'est Zoulou là qui a dit ça. La question que je pose, c'est il écrivait ça à ceux de l'Afrique. À Timothée là-bas, il écrit à Éphèse, non? Dites-moi, dans quelle partie du monde Éphèse est située? Éphèse, ce n'est pas là-bas en Turquie. La Turquie, c'est en Afrique. Là-bas, il ne fait pas froid là-bas. Donc, il faut dire au Seigneur là qu'elle se taise. Qu'avant que la neige ne soit là, la Bible était là, d'accord? Donc, on avait écrit comme ça, au peu gens de peuple du froid. Et si elle ne veut pas qu'elle vienne en Afrique, dit qu'il y a assez de place ici. Voilà. Autre sujet de discussion, des préoccupations, ou bien des tournures, des écritures. Mon frère, oui. Est-ce que le collant est aussi interdit? Voilà, pose la question à vous. La collant a fait quoi? Ou c'est la collant ou c'est le collant? Le collant. Demande à tes soeurs là-bas. Comment toi tu fais? Mais justement, si un de mes habits légers, là, je mets le collant en dessous comme un sous-vêtement. Exactement, c'est vos sous-vêtements. Voilà les sous-vêtements que les femmes prennent pour marcher au supermarché aujourd'hui. N'est-ce pas? À part, moi, ma grand-mère, elle était, c'est la sœur Sandra. Ma mamie, comme elle faisait, elle était couturière aussi, elle nous a appris à faire des jupes. Oui. Donc voilà, j'ai appris aussi à les faire. Enfin, avec des tissus plus légers. Après, les collants aussi. Donc, voilà. En tout cas, mes soeurs, vous avez besoin de la solidarité d'habillement. Vous avez besoin. En tout cas, que vous le vouliez ou pas, un de ces jours, je ne serai plus en train de vous parler. Peut-être ma voix dérange. Mais un de ces jours, devant le trône, on va dire, quel est le bilan de ce que tu allais faire sur la terre? Souvenez-vous de ceci. J'attends. Tout à l'heure, on a parlé. Je crois que c'est la sœur Laetitia qui a mentionné dans le livre de Proverbes, chapitre quoi? Ézéchiel, chapitre 16, là. Et puis, dans le livre de. Ça se trouve également dans le livre d'Ésaïe, chapitre 3. Sous les yeux d'Ésaïe, chapitre 3, le verset 12 à 16. Où il va parler des pendants d'oreilles, des surtout légers, ainsi de pour tout léger, avec les choses, les boucles d'oreilles, les boucles de pieds qui font résonner, là. Remarquez très attentivement que chaque fois quand Israël va se déguiser en prostituée, Dieu va les dépeindre comme des femmes. Donc, on ne veut pas partir. Aller quelque part dans la Bible, prendre là où Dieu en train de dénoncer, pour aller prendre comme si Dieu en train d'entérimer cela dans sa volonté. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, c'est vrai, on dit quoi? Chaque fois qu'il n'y a pas l'esprit d'Élie sur la terre, les femmes sont en dérèglement. Son esprit est sur la terre. Quand ça va quitter la terre, vous pouvez faire n'importe quoi que vous allez faire. Mais tant que cet esprit est sur la terre, ça va venir faire taire. Voilà. La France dans la sainteté, bonsoir et bon dimanche. Bonjour, frère. Mon image ingénieur. Vous comprenez ce que ça veut dire, non? Oui. Alors, c'est fini. Voilà, alors, vous comprenez, ça veut dire que c'est fini. La sœur Laetitia, merci pour ta question. Merci pour ta question. Un bonjour particulier à quelqu'un qui nous écoute en off là, le frère Landro. Frère Landro, Willy Landro, bonjour. Bonjour. Il nous écoute. La sœur Laetitia, déjà, la semaine dernière, on a pris pour toi. Comment tu te sens? Ça va mieux. Comment tu as dormi? Merci. J'ai bien dormi. Voilà. Que le Seigneur te bénisse, d'accord? Amen. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Voilà. Je crois que ce qu'on doit faire et prier, c'est tout simplement que le Seigneur fasse de nous qu'on soit un parfum de bonne odeur pour lui. Et comme l'apôtre Paul, mon grand frère, a dit, il faut qu'on offre nos cœurs en sacrifice pour le Seigneur, n'est-ce pas? Et il a dit que ce qui sera pour nous un culte raisonnable. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bon dimanche. La France dans la sainteté. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes. Ils traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes. Ils traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant les potiers, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi, tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit toujours pleine, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me repens. Aide-moi ce que tu voudras. Devant toi, je me repens. Aide-moi ce que tu voudras. Ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me reprends. Aide-moi ce que tu voudras. Devant toi, je me reprends. Aide-moi ce que tu voudras. Thank you.